quondam, rex quae futurus. Épisode 22, les continuations 3 et 4 de Perceval. Bonjour à tous et bienvenue dans Rex Quondam, Rex Quae Futurus. Bonjour Antoine. Bonjour Laïs. Aujourd'hui, dans un épisode que je surnommerai Perceval Revolutions, après notre Perceval Reloaded, même si Perceval Reloaded, ça pourrait aller pour aujourd'hui aussi, qui est donc la suite et la fin du cycle qui a été inauguré par Chrétien de Troyes. On vous avait déjà parlé du Conte du Graal, on a un épisode entier dessus, puis un épisode sur les continuations, la première continuation plus ou moins anonyme est la continuation de Vauchier de Denain, la seconde continuation. Et aujourd'hui, on va vous parler de quelques autres textes qui ont été ajoutés dans cette continuité-là et qui sont écrits de la même manière, donc en octosyllabes, donc en vers, qui ne sont pas des textes en prose. Là, on a vu beaucoup de textes en prose qui essayaient de nous raconter l'histoire du Graal. On en a vu quelques-uns, le Père Lesvos, le Lancelot Graal. Là, on va voir ceux qui ont essayé de continuer finalement de la même manière que Chrétien l'a fait. Des textes qui étaient dans les mêmes manuscrits et mis à la suite de l'œuvre de Chrétien. Oui, pour rappel, hein, on l'explique dans notre épisode consacré aux continuations, mais aucun manuscrit de Chrétien, ou presque, je crois que d'ailleurs aucun manuscrit de Chrétien de Perceval ne survit sans continuation. Le fait que Perceval soit suspendu en l'air, en fait, il n'était pas vraiment dans les manuscrits qu'on lit. Il ne faut pas s'imaginer que la plume de l'auteur s'arrête, du scribe s'arrête, et puis qu'on ne connaît pas la suite comme ouais. Ça et que ça circule comme ça. Il circule toujours, effectivement, complété d'une ou de plusieurs continuations. Que les manuscrits ont juste une espèce de tache d'encre à mesure que la plume s'est cassée à la fin. Et voilà, c'est la malédiction. Vous ne pouvez pas continuer. Non, ça c'est vraiment toujours... Ça a été continué, alors parfois avec seulement une ou voire deux continuations, avec en l'occurrence par exemple le cas du manuscrit de Berne qui a servi à l'édition Lettres gothiques du Conte du Graal, se termine après la deuxième continuation avec une petite conclusion très, très sobre dont on vous avait parlé la dernière fois, qui se termine avec juste la révélation de l'histoire de la lance de Longin et le couronnement de Perceval et c'est tout. Là, les troisième et les quatrième continuations commencent avec l'arrivée de Perceval au château du Graal à la fin de la seconde continuation, la réparation de l'épée, et elles doivent décider ce qu'elles font à partir de là, en fait. Voilà, c'est vraiment un point final. C'est pour ça que la deuxième continuation peut se terminer dans le manuscrit de Berne de façon aussi simple, parce qu'en fait, on est déjà à une fin narrativement acceptable. Oui. C'est donc les deux continuations principales qui vont prendre le plus gros de cet épisode. C'est la continuation de Manessier, qui se nomme dans son manuscrit, il dit juste « Je m'appelle Manessier », et qu'on appelle aussi la troisième continuation. Alors ça porte un peu à confusion, mais généralement on l'appelle la troisième continuation, et celle de Gerbert de Montreuil, enfin Gerbert qui est plus que probablement Gerbert de Montreuil. Il y a tellement d'indices qui pointent dans cette direction que l'identification est à peu près sûre. Celle de Gerbert de Montreuil, par contre, dans les manuscrits qu'on a, on l'a dans deux manuscrits, elle est insérée avant celle de Manessier. Et on a dû altérer un peu les manuscrits pour la faire tenir. Il faut dire aussi que la raison pour laquelle, en fait, on appelle la continuation de Manessier la troisième, si techniquement elle intervient dans les manuscrits où elle est présente avec l'autre, celle de Gerbert, en quatrième position, c'est que simplement, c'est probablement la troisième à avoir été écrite dans la plupart des manuscrits, elle suit la deuxième continuation directement. Ouais. Et d'ailleurs, si vous lisez les trois continuations à la suite, ces trois continuations, c'est à peu près logique, c'est vraiment la continuation Gerbert, en fait, qui pose problème d'une certaine façon. Oui, parce en que... redoublant beaucoup de passages et en... Le fait est que c'est peut-être aussi que la continuation de Gerbert, à la base, avait une conclusion indépendante de la troisième continuation et que les deux ont été écrites un peu indépendants l'une de l'autre et chacune essayait de poursuivre dans une direction différente et qu'on les a ensuite rassemblés dans deux manuscrits et que les versions où Gerbert se terminait par sa propre fin ne nous sont pas parvenus, en fait. Donc ça, c'est très probablement ça, en fait, Antoine, comme tu le dis. Très probablement que Gerbert avait peut-être une fin, même peut-être un début qu'on n'a pas, et qu'elle a été un peu hachée sur les bords pour la faire tenir là-dedans. En fait, vu qu'elle a été rajoutée à des compilations qui contenaient déjà les trois autres continuations, on l'appelle parfois la quatrième continuation, en fait. Ouais. Mais elle ne l'est que... par vertu, disons, d'avoir sans doute été la quatrième à être rédigée, oui. Et pas en termes chronologiques, c'est peut-être un peu prête à confusion. On discutera un peu de la chronologie qui n'est pas complètement certaine, et puis qui pose un peu problème, qu'on essaie de voir dans quel sens vont les emprunts et autres. Mais effectivement, je pense que c'est mieux de les imaginer comme justement un embranchement, c'est-à-dire qu'on arrive à la fin de la deuxième continuation au Perceval et au Château du Graal, et puis de les voir comme vraiment une espèce de, bah, peut-être un multivers, mais disons des histoires parallèles qui ont probablement été rédigées en parallèle. Mmh. Maintenant, la forme actuelle, c'est plus comme le filaire d'un animé, en fait. Oui, quand vous regardez une série TV basée sur un manga, et qu'au bout d'un moment, bah voilà, il faut ajouter des épisodes pour parce qu'il n'y a pas assez de matériel à cause de l'auteur qui écrit trop lentement, donc on va inventer des épisodes d'inédits pour combler un peu le trou. C'est vrai que si on regarde la continuation de Manessier, il a vraiment envie de finir l'histoire. Je dirais que la continuation de Manessier, c'est plus une conclusion. Une conclusion de Perceval où vraiment il enchaîne immédiatement, le roi pêcheur dit tout, explique tout à Perceval, en fait il lui dit voilà ce qu'il faut faire pour me libérer, voilà ce que c'est la lance, le tailleur, bam bam bam, on explique tout et ensuite il y a plein d'aventures et puis Perceval effectivement va accomplir la vengeance qui va le soigner et être couronné à sa place, puis il y a une apothéose, une conclusion, tandis que Gerbert commence et finit exactement au même point, il commence et finit par exactement la même scène. Perceval est au château du Graal et il essaye d'assembler l'épée. La première fois, il n'arrive pas. La deuxième fois, il y arrive. Mais je pense que c'est ça. Je pense que l'idée était vraiment que Perceval a échoué. Clairement, la vision de telle qu'elle est chez Gerbert, c'est que la fin de la seconde continuation est un semi-échec parce que Perceval ne parvient pas à rassembler l'épée complètement. Et du coup, il faut inventer des aventures entre deux. Et après, la conclusion actuelle, il devait y avoir une conclusion plus ou moins définitive. Alors qu'à la place, on l'a combiné avec l'histoire de Manessier, et ça s'y prête relativement, parce qu'à la fin, le début de Manessier ne tient pas forcément compte du fait que l'épée n'a pas été correctement préparée. C'est très secondaire, en fait, le fait qu'il reste une petite ébréchure. Il y a un petit changement de temps. Je vous fais juste un petit point sur la continuité pour vous résumer un peu dans quel type d'histoire est-ce qu'on s'embarque. Donc on avait le conte du Graal de Chrétien de Troyes où Perceval avait vu une procession du Graal et puis il avait oublié de poser la question de qu'est-ce qu'il en était de ce Graal, qui l'en en sert, donc à qui est-ce qu'il est destiné ou quoi. Et malheureusement, il n'a pas pu l'avoir, on lui le reproche, et il se met en quête pour le retrouver. Malheureusement, le conte est interrompu. La première continuation n'impliquait pas beaucoup Perceval. Cette fois-ci, on l'appelle la continuation Gauvin, parce que c'est surtout des aventures de Gauvin. Qui occupait d'ailleurs la toute fin du conte du Graal. Hein, une bonne partie des aventures de qui occupent la deuxième moitié du conte du Graal sont celles de Gauvin, en fait. Oui, il y avait trois versions de la première continuation, une longue, une courte et une mixte qui mélange un peu les deux. Et donc, suivant quelle version vous regardez, Gauvin fait une ou deux visites au château du Graal où il apprend, par exemple, qu'est-ce qu'il en est à peu près, il apprend la moitié de la réponse, en fait, mais il n'arrive pas à ressouder l'épée, notamment. Qu'on lui donne, qui est à moitié sur une bière. Donc cette épée brisée, elle change aussi de signification. Clairement, au fil chaque auteur avait sa petite idée sur qu'est-ce qu'il en serait de cette épée-là. La deuxième continuation nous ramène Perceval. Alors c'est à peu près, c'est un peu plus difficile à lire parce qu'elle est moins éditée. Basiquement, vous avez une longue série d'aventures de Perceval, une quête du cerf, il retrouve Blanchefleur, et à la fin, il revient au château du Graal. Et il arrive effectivement à ressouder l'épée, mais il reste une petite fissure, une petite ébréchure dessus. Donc il n'est pas complètement au summum de sa force ou de sa prouesse chevaleresque, et il va devoir continuer sa quête. Et c'est à ce moment-là que nos continuations vont raccorder. Manessier, pour résumer énormément l'histoire, le roi pêcheur lui explique voilà, le Graal, ça a recueilli le sang du Christ, la lance, c'était la lance de Longin, l'arbre avec des lumières que t'as vu, c'est des fées, bon, c'est une explication un peu bizarre, la main noire, il y avait une chapelle à la main noire qui tuait des chevaliers, qui éteignait une bougie, en fait c'est le diable, et puis pour le tuer, il faut faire ça, ça, ça. Il lui explique en fait tous les trucs qu'il vient de voir, les trucs bizarres qu'il vient de voir, il les lui explique. Et il lui dit « Ma maladie vient en fait du fait que mon frère Gon Désert, donc Gon du désert, ou Gon Désert, c'est difficile à interpréter le nom, a été tué traîtreusement, quelqu'un s'est déguisé, s'est infiltré dans ses soldats, et lui a donné un coup félon tellement horrible que son épée s'est brisée. Et donc l'épée brisée que tu as vue, en fait, c'est l'épée qui a tué mon frère traîtreusement. Et quand on m'a amené les morceaux de l'épée, en fait, j'étais tellement triste que je me suis flagellé avec, et je me suis coupé les nerfs des jambes, et c'est pour ça que je suis impotent. » J'adore cette version, franchement. Je la trouve franchement... Il dit, incroyable. Mon frère, j'étais tellement triste, je me suis flagellé avec les deux bouts d'épée. Et donc, celui qui arrive à rassembler l'épée, c'est celui qui va pouvoir me venger. Donc, ensuite suivent beaucoup d'histoires chez Manessier de Perceval et d'autres chevaliers. Il y a beaucoup d'entremêlements. Souvent, on suit un chevalier jusqu'à ce qu'il soit blessé, puis on lui dit, bon, il va devoir rester 3 mois au lit pour guérir. Donc, on va passer à un autre chevalier. Puis, donc, très souvent, on va passer de Sagremort à Gauvin, à Perceval. Aussi Lionel, Bohort qui interviennent un peu. Lancelot est un petit peu là. Donc, oui, on voit que le Lancelot Graal est passé par là, quoi. Mais à la fin, Perceval arrive arrive à tuer Partinal, qui était le coupable, à ramener sa tête et son écu au roi pêcheur, qui est immédiatement guéri. Puis après une dernière visite à la cour d'Arthur, Perceval est couronné roi à la place de son oncle, le roi pêcheur. Et puis il règne pendant 7 ans en paix, puis après il devient un ermite. Et quand il devient un ermite nourri par le Graal, et quand il meurt, le Graal est envoyé au ciel. Donc Manessier a vraiment conclu l'histoire de Perceval par cette histoire de vengeance qui, on l'a dit, avait l'air d'être dans le sous-texte du conte du Graal. Bah lui, il a dit, ok, la vengeance, je vais le prendre et ça va être le centre de mon histoire. Il y a un côté beaucoup plus didactique chez Manessier que chez d'autres. Tu sens que chez Chrétien, même la seconde continuation est très intéressée par les aventures un peu fantastiques. Ouais. La première continuation par les prodiges vraiment guerriers de Gauvin. Et dans la troisième, Manessier, c'est vraiment beaucoup plus ce côté un peu presque moralisateur de comment... Qu'est-ce que c'est la bonne justice, en fait? Ouais. C'est très souvent des questions de justice, plus ou moins. Il y a très peu de meurtriers dangereux, il y a des histoires un peu ambiguës, mais ça finit souvent par une réconciliation. Et Il y a beaucoup d'hommes qui violent ou qui kidnappent des femmes, et puis on les punit plus ou moins sévèrement. J'en parlerai un peu, je pense que c'est un peu dommage, parce que la seule vraiment personne méchante de la continuation, c'est Partinal. Et du coup, tous les autres méchants qu'on voit, ils se font pardonner très très vite. Méchant, on le voit pas beaucoup. Hein. On sait qu'il est méchant, mais c'est pas comme s'il était très... très impliqué, disons. Oui. Mais donc ça, c'est la continuation de Manessier. On va vous en parler plus en détail, bien sûr. Gerbert, par contre, est un petit peu différente. C'est-à-dire que, comme on l'a dit, c'est plutôt qu'une continuation. La Manessier, c'est une conclusion. Gerbert, c'est plutôt une prolongation. C'est vraiment... Sous la forme actuelle, c'est vraiment un bloc qui a été rajouté au milieu, qui se termine et qui commence au même endroit pour pouvoir raconter juste plus d'histoires au milieu. Oui, il n'y a pas énormément de choses qui se passent... Enfin, si, il y a beaucoup de choses qui se passent dedans. Mais on va dire, du côté de ce qui est pertinent quant au Graal, il se passe pratiquement rien, en fait. Manessier, je vous ai dit basiquement, là on vous a dit les continuations, en fait il y a énormément d'aventures dedans qui n'ont rien à voir avec le Graal, même si ça reste un peu le fil rouge et puis la note un peu finale. Gerbert par contre, c'est quelque chose qui va pas forcément l'intéresser, quoi. Il a quelque chose, c'est une continuation qui est très chaste, c'est-à-dire que Perceval se marie à Blanchefleur, mais ils sont là, ouais, on n'a pas très envie de faire l'amour, ils vont quand même avoir des descendants. Oui, Manessier est beaucoup plus horny, hein, comparé à Gerbert, je trouve. Gerbert est très, on va dire, très chaste, mais c'est un peu une espèce de regard un peu dépréciatif sur la luxure et le sexe et tout ça. Par exemple, Perceval et Blanchefleur vont dire, on n'a pas très envie de coucher, donc prions ensemble pendant notre nuit de noces. Et ils ont une vision de leurs descendants qui vont être qui? Godefroy de Bouillon et compagnie. On apprend, comme dans le Parsifal de Wolfram von Eschenbach, que Perceval est l'ancêtre de Godefroy de Bouillon. Donc vous avez un lien en plus entre Perceval et l'idée de croisade. Et il y a une scène qui est un peu différente de ce ton-là. C'est une scène où Gauvin va en fait violer une dame, qui est assez proche de ce qu'on avait vu dans la première continuation avec la famille de Lys. Mais là, c'est assez difficile à interpréter parce que c'est pas vraiment présenté de manière très positive, donc probablement que ce qu'il est en train de critiquer, il y a probablement une critique des codes courtois derrière. Ce qui est assez intéressant, je trouve, c'est que c'est presque cette proximité, en tout cas dans l'esprit, entre la Gerbert et la deuxième continuation, dans l'intérêt pour les choses un peu plus spirituelles, et Manessier et la première continuation qui s'intéresse plus aux exploits guerriers et à des questions politiques et à des aventures de chevalier en tant que chevalier plutôt qu'à des questions spirituelles, même si c'est... Après, c'est pas non plus on n'est pas non plus dans quelque chose comme la caisse d'El Saint Graal. Hein. Faut pas vous imaginer ça, même s'il y a beaucoup de matériel qui en revient d'ailleurs. Ouais. Et c'est ça peut-être qu'il est intéressant d'aborder aussi. On sent que c'est des œuvres arthuriennes qui interviennent après un changement colossal de paradigme, en fait. Oui, Lancelot Graal est passé par là. C'est vraiment quand vous les lisez. À la base, on voulait les faire avant le Lancelot Graal, puis on s'est rendu compte que ce serait absurde. Et quand vous les lisez, vous voyez vraiment que le Lancelot Graal est passé par là. Bon, cela dit, on a fait Perlesvos très tôt, alors qu'en fait, c'est probablement même aussi tardif que ça. Hein. On peut même voir plus, mais. Mais Perlesvos, c'est complètement différent, alors que là, c'est très très dérivatif. Bon, on a des scènes. D'ailleurs, on a la bête glatissante chez Gerbert, donc on a la scène qu'on avait aussi dans le Perlesvos. Et on a deux, trois scènes comme le Beauquoir qui devient le Beauhardi. Qui sont aussi dans le Perlesvos, donc on a des petites scènes en commun. Ce qui pose la question de laquelle de ces œuvres a été faite en première, ce qui est assez difficile à dire. Mais je pense qu'il faut vous imaginer, ok, vous êtes un lecteur de Chrétien de Troyes, la première continuation elle sort, bon, elle vous dit un petit peu plus sur le Graal, mais pas vraiment. La deuxième continuation elle sort, ah ben là on a un petit peu plus d'aventure de Perceval, mais l'aventure n'a pas vraiment beaucoup avancé. Et c'est à peu près à ce moment-là que Lancelot Graal débarque. Et donc vous avez cet énorme cycle en prose que tout le monde lit, qui est ultra lu, beaucoup, bien plus populaire que les continuations, extrêmement répandu. Et du coup, finalement, le secret du Graal, bon, il est plus si trépidant parce que tout le monde sait que maintenant le Graal, ok, c'est le truc qui a recueilli le sang de Jésus, tout le monde sait. Et puis on a même la quête du Graal. Vous pouvez aller lire la Quest d'El Saint Graal qui conclut l'histoire et qui met Perceval un petit peu au second rang. Donc si vous êtes un fan de Chrétien et que vous voulez conclure l'histoire en vers, en octosyllabes comme il l'a commencé, il va falloir vous mettre un petit peu à jour, mon pote, parce que là, les gens veulent un peu plus d'aventure, un peu plus d'entrecroisement. Manessi, on a cet entrecroisement d'aventure de plein de chevaliers qu'on ne verrait pas vraiment chez Chrétien. Chez Chrétien, on a un, deux chevaliers qui font des aventures, puis c'est tout. Là, par contre, on va avoir beaucoup plus d'histoires qui s'entremêlent. Gerbert de Montreuil, c'est beaucoup plus long. Je veux dire, on avait vu que la première continuation avait une version longue de 15 000 vers. Gerbert, c'est 17 000 vers. Manessier, c'est 11 000 vers. C'est quand même plus long qu'un roman typique de Chrétien, quoi. On est dans quelque chose de plus... Je me demande si c'est pas en fonction, une façon d'adapter aussi les versions en prose à un public aristocratique peut-être un peu plus exigeant en termes de forme. Mm-hmm. C'est encore des œuvres, notamment la troisième continuation est dédiée à... est datée en partie largement à cause de sa dédication à Jeanne, comtesse de Flandre et de Hainaut. Mm-hmm. Donc, en partie, là-dedans, on a aussi cette histoire de cette affaire de liens aristocratiques comme Chrétien, mmh. Qui sont, je pense, qui jouent un rôle là-dedans, disons, l'idée de refaire, de faire des suites à Chrétien, parce qu'on doit bien les faire, en fait. Après, il ne faut pas oublier, les gens qui, c'est ça aussi, ça montre quand même qu'il y a un intérêt perpétuel pour Chrétien. Il y a quand même beaucoup de copies de la première, de la seconde continuation, et on l'a quand même... quelque chose comme quoi 8 copies de la troisième continuation. Oui, quelque chose comme ça. Gerbert est peut-être un peu plus obscur, mais la Manessier, en l'occurrence, il y a encore un intérêt qui circule encore, hein, dans les années 30-40, même si le Lancelot Graal est passé par là, évidemment. Mais donc, il faut effectivement, on va parler plus en détail des auteurs, à qui est-ce qu'il dédie le manuscrit, comment Manessier, par exemple, l'adresse à quelqu'un qui est de la famille de Philippe de Flandre. Donc, basiquement, il prend les successeurs de ceux à qui Chrétien avait dédié le Conte du Graal pour leur conclure le Conte du Graal. Il dit, ce qui est un peu bizarre d'ailleurs, il dit, l'histoire a été commencée par Chrétien de Troyes et personne ne l'avait conclue ou continuée. Ce qui est bizarre parce qu'il y a quand même Vaucher de Denain qui est quelqu'un de nommé qui l'avait continué. Mais lui, il dit, voilà, je vais la conclure pour vous, basiquement. Il se met un peu en avant comme ça. Une autre chose dont on va parler, ce sont deux prologues qui ont été glissés dans... Bon, à la base, moi, je pensais que c'était un manuscrit unique, mais non, il y a un des deux prologues qui a été aussi dans un manuscrit de la British Library. C'est ce qu'on appelle l'élucidation et le bliocadran. Ce sont deux très courts textes qui sont en fait vraiment des prologues qu'on a ajoutés avant l'histoire de Chrétien pour, bah, comme le dit l'élucidation, pour expliquer un petit peu. Et ça ne nous avance pas beaucoup. Alors... On va commencer par parler de ceci après qu'on ait fait un petit point sur les éditions et les manuscrits de tous ces textes. Alors, pour le nombre de manuscrits, évidemment, les troisième et quatrième continuations en ont moins que les premières, ça va en se raréfiant. Il y en a sept, enfin, techniquement, il y en a huit manuscrits qui contiennent Manessier, mais l'un d'entre eux, un manuscrit de la Bibliothèque nationale de France, a, je crois, un seul feuillet de Manessier. Il contient la continuation de Gerbert, donc ce qui est significatif, et il contient un feuillet de Manessier, ce qui laisse penser qu'originellement, il était dedans, mais peut-être que quelqu'un s'est dit peut-être la couper, l'a enlever, ou s'est dit qu'ils allaient la mettre de côté. Et pour Gerbert, du coup, on en est à deux. Du coup, ce manuscrit des nouvelles acquisitions françaises 6614 et le manuscrit 12576, pardon, qui est aussi un manuscrit, du coup, évidemment, les deux manuscrits de Gerbert contiennent aussi Manessier. Mmh. D'ailleurs, il y a ces manuscrits où on va parfois faire on va altérer Manessier pour que ça soit un peu plus cohérent avec le texte de Gerbert. Typiquement, dans les deux continuations, Perceval fait une visite chez le forgeron Trébuchet ou Trabuet, et puis chez Gerbert, on nous dit qu'il meurt. Alors que comment est-ce que Perceval va faire quand il va chez Manessier pour revisiter le forgeron? On nous dit non, mais cette fois-ci c'est le fils de Trébuchet. Donc on fait une petite... les gens qui ont mis ensemble ces continuations à la suite se rendaient compte qu'elles n'étaient pas toutes complètement cohérentes et ils ont fait quelques petits aménagements pour que ça marche. Il faut relever ça. Mais donc oui, deux manuscrits pour Gerbert. Pour l'élucidation et le biocadran, qui sont des textes un peu plus minoritaires, ils sont surtout dans le manuscrit de la Bibliothèque publique de Mons, 331/206. Donc il comprend jusqu'à la troisième continuation. Donc au début du Conte du Graal de Chrétien, ils ont coupé un peu le prologue de Chrétien, donc qui petit sème, petit récolte, etc. Ils l'ont coupé et ils ont mis à la place ces deux histoires. Une qui raconte l'histoire de dames qui donnent des coupes pleines de nourriture. Basées dans des puits. Qui sortent de puits, donner des coupes de nourriture et qui vont arrêter quand elles se font abuser par des hommes. Et le Bliocadran, qui a un nouveau nom pour le père de Perceval. C'est en fait l'histoire... On vous avait dit que le père de Perceval était mort dans un tournoi. Là, on va en fait vous raconter ça. Ça vous avance pas beaucoup, mais on vous raconte ça. Et on lui donne un nouveau nom. On en profite. Ce sont quoi? Quatrième nom dans... Avec Alain Legros, Pélinor... Galès. Alors là, on va voir que chez Gerbert, il s'appelle Galès... Galès Lycos, donc Galès le chauve. Comme souvent dans les légendes arthuriennes, vous avez des arbres généalogiques élastiques. Je comprends pas pourquoi les gens aiment faire des espèces d'arbres généalogiques assez rigides, genre la légende arthurienne, que le fameux recueil dont on vous parle régulièrement, ils ont un arbre généalogique des chevaliers de la table ronde qui est probablement vrai dans 1% des histoires, parce que... Ou peut-être même dans aucune, et en fait ils compilent les versions connues. C'est ça. Typiquement, t'as une idée de la généalogie de Perceval très connue, mais c'est peut-être pas celle qui est présente dans celle qui présente la généalogie de Gauvin la plus connue ou la plus acceptée. On avait dit que même dans le Lancelot Graal, entre la quest, le Lancelot, la mort, le roi Arthur, la généalogie de Lancelot posait problème. Genre, ils étaient pas complètement sûrs de comment est-ce qu'il descendait du roi David, et puis comment ci et comment ça. Donc, Il y a une idée, je pense, là-dedans aussi de... Après, typiquement, c'est particulièrement prominent pour Perceval. Donc, en général, Perceval, en tout cas en français, il est plutôt associé à Alain le Gros, alors qu'il est associé à Pélinor en anglais, parce que c'est Pélinor qui l'a emporté chez, évidemment, comme toujours, avec l'anglais, c'est chez Malory, c'est Malory qui valide. Oui. Et du coup, Malory canonise Pélinor et ça reste là. Donc, ouais, vraiment, il y a une certaine confusion là-dedans, dans ces deux manuels, dans ces deux. Prologue, en fait. Et d'ailleurs, le Bliocadran survit dans un autre... Oui, il se trouve dans un manuscrit additionnel de la British Library. Je pensais qu'il n'était pas... C'est-à-dire que j'ai pris la version qui a été éditée récemment en 2018, puis il donnait des variantes. Puis j'étais là, mais quelle variante ? Parce que je pensais qu'il y avait qu'un manuscrit unique. Et en fait, non. Il y a aussi, pour le Bliocadran, on a un autre témoin. Un autre témoin encore qu'on a un peu bizarre, qui montre l'influence que ces deux-là ont pu avoir, peut-être uniquement à cause de ce manuscrit de Mons et ceux qui sont liés, c'est qu'il y a une version en prose de l'histoire de Perceval de 1530, imprimée, qui s'appelle « La très plaisante et récréative histoire de Perceval les Gallois, qui acheva les aventures du Graal, etc. » C'est un de ses titres à rallonge. Et dans cette version en prose, il y a une version en prose de l'élucidation et du Bliocadran. Donc, pour parler des éditions... Justement, il y a eu deux éditions anglaises de l'élucidation et du Bliocadran en 1931 et en 1976 par Albert Wilder et Lenora Wolfgang. Mais récemment, en 2018, il y a Hélène Bouget qui a fait une édition, les prologues au Contes du Graal. Donc c'est juste une édition, vous n'avez pas la traduction. Mais vous avez les deux textes, plus la version en prose de 1530. Personnellement, je les ai achetés en ligne pour me retrouver un peu déçu parce que je pensais qu'il y avait une traduction avec, mais en fait non. Mais donc ça, c'est si vous voulez les lire et que vous lisez l'ancien français. Ils ont aussi été traduits par Nigel Briant, comme on va le dire dans un instant. Pour ce qui est des continuations de Manessier et Gerbert, alors là, par contre, vous aurez très peu de choix pour les lire. Pour Manessier, immédiatement, l'édition Champion classique, la troisième continuation du Conte du Graal, édition bilingue par Marie-Noël Toury à partir du manuscrit de William Roach. Donc on en avait déjà parlé, c'est William Roach qui a édité toutes les continuations jusqu'à celle de Manessier qu'il a publiée en 1983. Cette édition date de 2004, c'est vraiment la meilleure que vous aurez. Vous avez le texte original et la traduction en français moderne, une introduction des thèmes et des... Des enjeux du livre. Il peut être impressionnant parce qu'il est assez massif, mais en fait c'est parce que la traduction en prose occupe la moitié des pages de la traduction. Oui, en fait il est extrêmement vite, il faut diviser. Il y a à peu près quoi, 630 pages, il y a à peu près 550 pages de texte, mais en fait sur ces 55 pages de texte, ça fait l'équivalent, vous pouvez diviser par deux parce que c'est une édition bilingue. Et ensuite vous pouvez encore diviser ça par deux, donc ça fait en fait à peu près 110 pages à lire en fait. Ça se lit très vite. Ça se lit comme un petit roman assez vite en fait. Ça se lit très vite, même s'il est assez massif justement, mais les pages sont littéralement à moitié remplies. Quand vous lisez que la page de droite, ça va très vite. Je dois dire, j'ai beaucoup aimé la lire. Certains des textes qu'on lit ici, parfois c'est un peu rébarbatif et puis un peu difficile, etc. Et même les versions abrégées peuvent être un peu... moi j'aime beaucoup ça, mais c'est vrai que parfois on est au milieu. Là par contre je ne l'ai pas senti, et franchement j'ai trouvé qu'elle était très agréable à lire, donc je pense que je voulais la souligner si vous voulez. La traduction est très bonne, effectivement. La traduction se laisse vraiment lire, j'ai beaucoup apprécié. J'ai trouvé que les notes étaient toujours utiles et pas trop présentes, parce que parfois on fait des notes pour montrer à quel point on a bien révisé, puis c'est pas très intéressant. Vraiment une édition agréable à lire pour un lecteur qui connaît aussi mal le français médiéval que moi. Pour ce qui est de Gerbert, ironiquement, il y a presque plus d'éditions. Enfin, il y a une édition au classique français du Moyen-Âge de Champion, qui a enfin deux parties parce qu'elle a été faite en deux fois. Elle a été commencée dans les années 20 puis terminée dans les années 70. Oui, c'est une certaine Mary Williams qui avait commencé l'édition. Il y avait trois volumes en fait, et les deux premiers sont parus entre en 22 et en 25, et c'est Marguerite Oswald qui les a terminés en 1975. Mm-hmm. Ce qui était bon, Je sais pas comment faisaient les gens avant, mais... Non, je sais pas. Au départ, je me demandais, est-ce que c'est la même personne? Et puis elle a juste fait une pause de 50 ans, puis elle s'est mariée, puis elle a changé de nom. Puis en fait, non, c'est vraiment, il y a eu 50 ans de latence avant qu'elle soit publiée. Mais finalement, comme il n'y a que deux manuscrits, il n'y a pas tant de possibilités d'édition que ça. Donc quand Roach a fait son édition de toutes les continuations, comme il a publié celle de Manessi en 1983, et que celle-ci a été publiée en 75, bah, il s'est dit que c'était pas la peine. Il a dit, elle est très bien, ça va très bien comme ça, pas besoin. En 2014, il y a Frédéric, avec QE, Frédéric Le Nan, ou Le Nan, je sais pas comment ça se dit, qui a publié chez Draw une édition, un seul volume de cette édition-là, une version un peu revue et corrigée. C'est surtout pour harmoniser l'orthographe, les choix de variantes, avoir un vrai catalogue de variantes, avoir une grosse introduction avec un très bon résumé d'analyse, un lexique à la fin, enfin, un truc un peu plus costaud. C'est un monstre de... Je le prends en main, là. C'est un monstre de 1190 pages. C'est pas bilingue. Hein. Les textes littéraires français. Non, bah, vous avez une longue introduction, mais sinon, c'est pas bilingue, vous n'avez pas de traduction. Il n'y a pas de traduction en français moderne de la continuation de Gerber, ce qui m'étonne un peu, mais c'est, voilà, il n'y a pas, peut-être pas tant de demandes que ça. Il y a, bah, comme d'habitude, il y a une version en ligne que vous pouvez trouver, c'est la longue version de Potvin. Dans sa longue édition de toutes les continuations et de Perceval, parce qu'il me semble qu'il touche toutes les continuations, sauf justement, bah, ironiquement, Gerber, qui résume en appendice, en fait, vu que c'est une interpolation pour lui. Je crois qu'il fait juste une espèce de résumé où il parle de ce qu'il appelle l'interpolation de Gerber, et il fait un résumé, commentaire, analyse de l'interpolation en présentant des petits extraits pour illustrer ce qu'il est en train de dire. Ce qui est, honnêtement, si vous avez rien sous la main, vous pouvez aller la lire, et je pense que beaucoup de gens faisaient ça, en fait. Beaucoup de gens se contentaient de lire ce que Potvin avait fait. C'est sans doute même plus facile que lire le reste de ces volumes qui sont en ancien français et plutôt hermétiques, disons. Il y a des moments où si vous lisez pas du tout l'ancien français, vous serez un petit peu, parce qu'il fait, et voilà la scène du mariage de Perceval, et il vous met 15 pages d'ancien français, donc vous êtes un petit peu, bon ben là il vous explique pas grand chose, il vous prend pas vraiment par la main, mais il résume quand même la plus grande partie de l'intrigue, même si parfois un peu bizarrement, je pense. Mais disons, à l'époque il y avait pas d'édition, donc ça devait venir de sa propre lecture. Mais donc il y a ça. Si vous voulez vraiment lire la quatrième continuation, en fait, la meilleure méthode, c'est, ça reste encore, je pense, cette fameuse édition dont on vous parlait dans la série des traductions de Nigel Bryant, les grandes versions de chez Brouwer chez Arthurian Studies, où il traduit tout Perceval et toutes les continuations. En harmonisant un tout petit peu, mais sans vraiment beaucoup harmoniser non plus. Il y a pas, par exemple, il y a pas, par exemple, de réconciliation. Il y a pas la réconciliation du truc de Trébuchet, par exemple. Il y a deux Trébuchets dans sa version, mais il le met en note. L'avantage principal, c'est que je crois que vous pouvez la trouver pour une vingtaine de livres, une trentaine de francs, trentaine d'euros, en achetant en ligne, en version parlier, en carton, mais en version vraiment paperback, comme on dit en anglais. Mais c'est en grand format, c'est lisible. Alors après, c'est un peu massif, il faut vouloir se trimballer les 500 grosses pages, mais ça se lit assez vite, disons. C'est en anglais, par contre. Le vrai problème, c'est que c'est une traduction anglaise, The Complete Story of the Grail, où vous avez Gerber, Manessier, l'élucidation et le biocadran aussi, donc vous avez vraiment la totale. C'est dommage que ça n'existe pas en français. C'est triste, d'ailleurs, on se demandait pourquoi. Je pense, en français, il y a un peu le problème que les gens... Quand ils veulent faire une nouvelle édition, bah, ils veulent ajouter quelque chose. Alors que Nigel Bryant, bon, s'il se contente de traduire, il est content. En français, je crois que quand on le fait, on est là, non, moi, je veux avoir un truc mieux, je veux faire... Il y a la vocation de faire quelque chose de supérieur. Je pense aussi, c'est très simple, c'est que tu enseignes pas la continuation de Gerber à des étudiants de première année de français, même médiéval, c'est pas un truc que tu vas enseigner d'abord, t'as d'autres trucs à enseigner avant Gerber. Ouais. Si t'enseignes quelque chose dans des continuations, t'enseignes la première continuation, peut-être la deuxième. Tu vas pas aller jusqu'à Gerber, hein. Tu enseignes Chrétien. Il y a suffisamment de trucs que tu peux faire lire qui sont en traduction. Et à partir du moment où les gens vont s'y intéresser, l'ancien français, c'est quand même plus simple à apprendre que, par exemple, l'ancien anglais pour des anglophones. Et du coup, au bout d'un moment, t'arrives à lire assez bien si t'es entraîné. Nous, c'est plus compliqué pour nous. Mais pour quelqu'un qui fait ça pour un doctorat, par exemple, il aura pas besoin d'une traduction, de toute façon. Non, il y a aussi ce problème en France où, justement, beaucoup de gens qui s'intéressent à ces textes, en fait, ils ont pas du tout besoin de traduction, quoi. Ouais, c'est ça. Les gens qui, il y a pas un public assez grand pour la quatrième continuation de Perceval. La troisième, visiblement, a dû commencer à être assignée quelque part pour que les classiques champions décident de la traduire. Mais il faut bien se reconnaître qu'il n'y a pas vraiment de traduction non plus de la deuxième n'est pas traduite non plus. Ce serait sympa d'avoir quelque chose, par exemple, à la Pléiade, comme ils ont fait un volume avec Chrétien de Troyes, de faire un volume avec toutes les continuations. Maintenant, il faudrait décider, hein, quelle version de la première continuation est-ce qu'on met, quel appareil critique. Et puis, ce serait long. Ça ferait en tout 50 000 vers, ce qui est plus que beaucoup des volumes similaires qu'ils ont, mais ce serait possible. Écoutez, c'est vraiment long que la totalité du livre du Graal, comme ils l'ont appelé. Oui. le Lancelot Graal. Je pense que non, ce serait pas trois volumes. Ce serait possible de faire un volume un petit peu bulky comme ça, mais ce serait une question d'édition. Je pense qu'il y aurait parfaitement moyen de faire des éditions plus compactes aussi, parce que c'est vrai que là, les éditions Draw ou même Champion Classique où ils mettent les verres, ils pourraient mettre le texte en plus petit. Enfin, je sais pas. On pourrait avoir une manière de faire ça de manière un peu plus. Ouais, mettre deux colonnes de verres par page et puis colonne de. Mais donc ça nous place dans une situation un peu bizarre parce qu'on vous dit ah, allez lire ces textes, c'est intéressant tout. Mais là, bah, comme pour la deuxième continuation, bah, la deuxième continuation elle a été reprise dans le Perceval en prose, donc vous avez un peu plus d'options. Mais là, la continuation de Gerber, vous pouvez pas vraiment la lire. Donc si vous voulez savoir. Sauf si vous lisez l'anglais. Ou sauf si vous. En français, vous pouvez pas vraiment la lire. Ce que vous pouvez faire, c'est vous pouvez lire le commentaire résumé de Poids de Vin qui est disponible en ligne gratuitement. C'est assez vite, vous avez déjà une grosse idée. Martin Aurel, dans son livre sur la légende arthurienne, fait un très court résumé, donc très très abrégé. Vous avez le résumé de Frédéric Lunan, qui fait une espèce de résumé assez poussé de l'histoire au début. C'est celui sur lequel je me suis beaucoup appuyé. Donc si vous prenez, si vous trouvez l'édition de Rouen en bibliothèque, vous avez sur une cinquantaine de pages une bonne distillation de l'intrigue. Et puis, donc je pense, enfin, voilà, vous pouvez vous appuyer un peu sur ces résumés pour avoir une idée de ça. Et du coup, on va pouvoir vous aborder maintenant les premiers textes qu'on va présenter dans cet épisode, qui sont les deux prologues que sont l'élucidation et le bliocadran, juste après cette petite pause musicale. Voilà, c'était le concerto comique numéro 19 en la majeure de Michel Corrette, sous-titré La Turque et la Confession. C'était joué par les musiciens de l'ensemble Arion. Et on va passer maintenant au prologue inséré par certains des continuateurs, qui ne sont ni Manessier ni Gerber, hein, probablement un autre auteur qui le tient ça d'ailleurs, et qui n'apparaissent que dans quelques manuscrits, ce sont l'élucidation et le bliocadran. Oui, alors je vais commencer par l'élucidation, parce que c'est peut-être le plus intéressant. C'est un très petit poème, c'est 500 lignes, un petit peu moins de 500 lignes, donc c'est vraiment très court, qui commence par dire, il aurait été écrit au début du XIIIe siècle, bon, probablement après la deuxième continuation, c'est difficile à dire, mais il raconte comment le royaume de l'ogre est devenu gaste, en fait. Il étend le motif qui était déjà chez Chrétien de la terre dévastée, etc. Mais il dit pourquoi ? Bah parce que, en fait, il y avait des demoiselles qui vivaient apparemment dans des puits. Donc, on avait déjà fait des blagues sur le réseau de demoiselles et de vavasseurs qui accueillaient tous les chevaliers. Mais là, on a des demoiselles qui vivaient dans des puits et qui donnaient des coupes d'or pleines de nourriture et d'eau aux voyageurs et aux marcheurs. Et donc, c'était une espèce de réseau qui permettait le voyage dans ce pays et puis qui rendait ça. Jusqu'au jour où quelqu'un en a abusé, où un roi, Amangon, qui était un roi très vil et méchant, etc., qui aurait choisi de voler la coupe et de la garder pour lui, d'une de ses dames, et aussi de se saisir de la dame et puis de l'amener dans son lit et puis de la violer, d'en faire un peu ce qu'il voulait. En réaction à ça, beaucoup d'autres chevaliers ont commencé à l'imiter et ont commencé à faire, des méchants chevaliers ont commencé à faire la même chose, et à un moment donné, les dames ont décidé de se retirer du monde et de cesser d'apporter leurs bienfaits aux voyageurs de l'ogre. Et donc, c'est pour ça qu'on aurait ce problème-là. Donc, il y aurait l'idée que, on ne le dit pas explicitement, mais est-ce que c'est lié au service du Graal qui nous fait apparaître de la nourriture, etc., des dames avec des coupes en or, donc peut-être qu'on a une idée derrière. Les fans de d'explications celtisantes. J'adore ça parce que bah, là, vous avez des dames un peu féeriques qui vivent dans des puits. On a vu l'histoire de Geoffrey où c'était un peu similaire. On avait des fées qui vivaient dans une fontaine. Là, c'était des dames de puits, de fontaines qui vivent dans une espèce de dimension sous-marine. Assez intéressante, qui nous avance pas énormément parce qu'on voit pas vraiment quelle implication ça peut avoir pour l'histoire, mais quelqu'un essaye d'élucider ces histoires, de nous expliquer à reculons que c'est à cause de ça. Le Bliocadran, aussi début du XIIIe siècle, difficile à dire de nouveau. Là, par contre, c'est un petit peu plus... En fait, il apporte pas beaucoup d'éléments qui sont hors de chrétiens. Il prend, en fait, les éléments qui sont de chrétiens. C'est-à-dire qu'on nous dit Perceval a été élevé au loin du monde de la chevalerie parce que son père et ses frères sont morts dans un tournoi et sa mère ne l'a pas supporté. Et donc, le Bliocadran, en fait, parle de la mort de son père qui s'appelle Bliocadran. Très original. Pour de vrai, hein, c'est, je sais pas d'où il tire ce nom, hein, c'est vraiment une des circonstances les plus étranges pour moi autour des romans arthuriens, c'est vraiment leur tendance à inventer des noms absolument, Dieu sait d'où il les tire, quoi. Ils ont dû se dire, hein, les noms de Gauvin et des autres c'est un peu bizarre, parce que c'est du gallois, donc peut-être qu'ils se sont dit, hein, on va commencer à inventer des noms un peu cool comme ça, ce qui fait que quand il y a un nom un peu standard, un nom biblique qui arrive, t'es toujours un peu, quoi, parce que typiquement il y a un personnage on le verra dans une des continuations qui s'appelle qui est présenté comme s'appelant Isabeau, donc Isabelle, mais en fait c'est probablement Élisabeth, c'est-à-dire la mère de Saint Jean le Baptiste. Et c'est presque surprenant de voir un prénom normal apparaître, en fait. Alors qu'elles ont toutes des noms, t'as des Aglovale, des Partinelle, des Margon. Les noms sont un petit peu accouchés dehors, il faut le dire, mais il y a quelques différences, il faut noter, dans le Bliocadran quand même. Ce que Chrétien nous disait, c'est que le père de Perceval avait été blessé, donc parmi ses jambes il avait une espèce de blessure comme le roi pêcheur, en fait, qui l'empêchait de chevaucher et de régner, et qui a amené à sa terre soit dévastée, que ses vassaux ne le respectent. Enfin, beaucoup de choses sont sous-entendues, mais apparemment, son autorité flanche, et puis après, il se retire et il n'arrive plus à régner proprement, et puis il meurt de chagrin quand ses deux fils meurent. Ça, c'est chez Chrétien. Dans le Bliocadran, par contre, le père meurt pendant un tournoi, donc il y a un peu une espèce de raccourci, une version un peu raccourcie de l'histoire où le père meurt vraiment au combat. Et la mère, quelques mois après, donc les gens déjà mettent un petit moment à annoncer à la mère que « Oh, votre mari est mort », et puis elle est triste. Et quelques mois plus tard, elle décide de se retirer avec son enfant. Donc, on vous le mentionne là parce que c'est un peu le dernier moment pour le mentionner, pour conclure un peu ces cycles qui ont été faits, ces cycles de doctosyllabes en vers qui ont été faits autour de Chrétien. Mais il faut le dire, c'est très minoritaire. On a dit que ça avait été, même au XVIe siècle, quelqu'un les a repris dans l'édition en prose de Perceval, donc ça a quand même de l'influence durable. En tout cas, le type qui a fait son édition en prose a trouvé un manuscrit où il y avait ça dedans. Donc, ça existe aussi, mais ça montre un peu qu'effectivement, le fait de conclure ou de répondre à ce que Chrétien, de compléter Chrétien, ça a été un souci on a tenté de le résoudre dans différentes directions, quoi. Maintenant, on va peut-être passer à l'histoire de Manessier. Oui, qui est la plus longue. Qui est la plus longue. Qui est la plus fréquente et la plus signifiante. C'est pour ça qu'on commence avec, hein, plutôt qu'avec Gerbert. Faut bien comprendre que Gerbert, on va revenir en arrière avec lui. Oui. Donc, la continuation de Manessier, on l'a dit, hein, les années sont estimées entre 1215 et 1235. Mais bon, en fait, c'est plus probablement C'est très probable. Alors, c'est le problème du Lancelot Graal. On a dit qu'on ne sait pas exactement quand chaque truc. Probablement que le Lancelot Graal était écrit entièrement en 1235. Là, ils ont besoin de connaître des extraits du Lancelot et de la préparation à la quest et de la quest del Saint Graal. Donc, probablement, effectivement, 1230-1235. Ça explique aussi, il fait référence à Jeanne, maîtresse de Flandre. Et Jeanne, maîtresse de Flandre, bah, c'est Jeanne de Constantinople. Jeanne de Flandre et de Hainaut. Alors, elle meurt en 1244, mais en fait, elle est comtesse elle-même de Flandre et de Hainaut dès 1205, après avoir succédé à Baudouin IX. Et en fait, elle est plus proprement, disons, maîtresse de Flandre dans les années 30, spécifiquement entre 33 et 37. Ça me semble être le moment idéal parce que Ferdinand de Portugal, son premier mari, est mort et Thomas de Savoie, elle l'épouse en 1237. Donc, c'est les années vraiment où... Où ce serait sa présence de la dédier... En maîtresse, où elle est seule maîtresse, en fait. Alors, c'est vrai, mais elle a aussi régné seule entre 1214 et 1227. Donc on a parce que Ferdinand de Portugal était loin, effectivement. Donc on a ce problème, c'est que... Mais alors, est-ce qu'il y a des gens qui vont avoir... Il a été fait prisonnier à Bouvines, en fait. Oui, et puis exilé ou... Il a été relâché, je crois, juste... Pendant 12 ans, il est emprisonné par les Français. Il est relâché à l'accession de Louis IX, en fait, à la mort de Louis VIII. Je me demande, c'est vraiment pas plus une histoire de ça me paraît plus logique, étant donné qu'on a cette date des années 30-35 pour le Lancelot Graal, ça serait pas du tout étonnant que ce soit des années 30. C'est vrai, c'est pas très crucial pour nous, mais c'est vrai qu'effectivement, pour voir dans quel sens est-ce que ça va, par exemple, Jean Marx considère qu'elle aurait été écrite entre 1214 et 1225, donc c'est pas rien, mais lui justement il dit, bah, il y a des épisodes en commun avec la quest del Saint Graal, bah, c'est qu'il y a une source commune, voilà, donc lui il doit postuler une source que les deux auraient pioché dedans, peut-être le père Lesbos aurait pioché dedans, ou peut-être que la quest est plus vieille que ce qu'on croit. A priori, moi j'aurais plutôt tendance à dire que c'est vraiment tiré du Lancelot Graal, parce qu'il n'y a aucun moyen qu'il ne connaissait pas le Lancelot Graal. Oui. Ça circule à une vitesse folle. Non seulement ça circule à une vitesse folle, mais surtout, c'est tellement dérivatif et simplifié par rapport au Lancelot Graal quand des emprunts, que ça ne me semble pas pour être quelque chose qui est typiquement un embellissement du Lancelot Graal par rapport à une source plus simple. Ça me semble assez logique, vu les circonstances qu'on connaît, que ce soit une simplification et un raccourcissement pour intégrer des bouts du Lancelot Graal. La date la plus tardive, donc entre 1233 et 37, donc probablement après 1230, après le Lancelot Graal, c'est la date la plus probable. C'est ce que pense par exemple Corinne Corley. William Roach lui-même n'avait pas tranché la question, parce que bon, c'est un peu difficile à trancher, mais clairement, à mon avis, une influence du Lancelot Graal. On connaît rien de l'auteur, hein, il s'appelle Manessier dans le récit, mais on n'a aucun moyen de dire de lui attribuer une autre œuvre ou de l'assigner à un personnage particulier à la cour de Jeanne. Donc, a priori, c'est simplement son nom et c'est tout à peu près ce qu'on peut dire de lui. Mais c'est vraiment une intégration dans un contexte quand même de comtesse de Flandre assez similaire à Suite Chrétien. Le roman est dédié à Jeanne de Flandre, qui est la fille de Marie de Champagne, à qui le Lancelot est dédié, et la petite nièce de Philippe de Flandre, à qui le Perceval est dédié. Donc on est vraiment dans le même milieu. On est dans la mafia chrétienne 3. D'ailleurs, c'est possible que ce soit une commande, hein. C'est vraiment c'est dédié. Alors, on ne sait pas vraiment si c'est vraiment nécessairement exactement ce qui s'est passé, mais c'est possible que ce soit une commande pour compléter l'œuvre qui avait été dédiée à un personnage important de la famille. Toujours est-il que, voilà, on est dans une suite directe. On commence directement, mais avec, comme tu l'as dit, ce déplacement direct du problème. Au lieu d'avoir un besoin de Perceval de s'améliorer pour obtenir les réponses, là, le fait que l'épée n'ait pas été complètement réparée n'est pas un obstacle, en fait, aux aventures de Perceval. Ça va être ce repositionnement, en fait, il va lui expliquer d'abord à quoi servent le Graal, le secret du Graal, qu'est-ce qu'il a fait, donc le recueillir le sang du Christ, la lance de Longin qui lui perça le flanc, et le tailloir. Et alors je crois que c'est lui qui a inventé l'histoire du tailloir, hein. Ça, c'est, j'ai pas trouvé ailleurs, il me semble. L'idée que le tailloir qui vient, c'est en fait une assiette, une patène. C'est un ciboire ou une patène qui aurait couvert le... Alors honnêtement, je commence à mélanger toutes les versions, donc je suis plus sûr du tout, mais je crois qu'effectivement, c'est lui en tout cas qui... Et donc du coup, il explique l'histoire de la maladie que tu as déjà racontée. Le roi du désert, le roi de Gondésert ou Gondésert, a été frappé par le neveu d'Espinagrès. Espinagrès, c'est ce nom très marseillais. Espinagrès, tu me fends le cœur. Enfin, tu me fends les jambes, en l'occurrence. Frappé par Pertinal. Donc, Pertinal avait été traîtreusement déguisé en un homme de Gondésert. Il l'a coupé en deux. Et l'épée qui a servi au coup s'est brisée sur le cou. Et le roi de pêcheur s'en est molesté les jambes. Et Perceval, ayant réuni les morceaux, peut confirmer donc qu'il est celui qui va venger le roi pêcheur, aussi le délivrer de sa malédiction. Il explique toute l'histoire des... Donc tu l'as dit encore une fois, hein, les lumières sur l'arbre, la main noire de la chapelle. Il lui donne des indications de comment vaincre le diable. Oui. Et ça va s'avérer utile. Ça va être utile. Il lui dit, il y a un drap blanc, une espèce de drap blanc dans une armoire. Il faut le tremper dans l'eau bénite et puis asperger partout. Les lumières sur l'arbre aussi, il a clairement pas la même explication que dans le... il change un peu l'explication qui aurait été celle de la seconde continuation, mais bon, c'était des fées qui se réunissaient là, puis elles sont parties, alors qu'on me disait que c'était l'arbre d'incantement, l'arbre d'enchantement, l'arbre de sorcellerie, en fait. Il va ensuite partir donc à l'aventure, et on va avoir une aventure, non pas enfin, ça va vite tourner à une aventure de Sagremort, en fait. Mais d'abord, il va quand même croiser Sagremort. Il s'est fait voler son cheval, alors les bandits qui ont volé le cheval vont essayer de violer, d'enlever en tout cas une fille pour la violer sans doute. Et Sagremort et Perceval en poursuivent chacun une partie. Perceval tue ceux qui restent sur place alors que Sagremort pourchasse les fuyards. Et en fait, le cheval de Perceval meurt au combat et il ramène la jeune fille chez elle. Et vu qu'il est blessé, il va devoir rester un peu hors d'action pendant un mois. Et du coup, on va trouver... maintenant une aventure de Sagremort à cause de ça, qui va du coup, comme tu l'as dit encore une fois dans l'introduction, il va occuper un peu le terrain pendant un petit moment. Et Sagremor va, en fait, débarquer jusqu'au château où les méchants voulaient se réfugier. Et en fait, il va aller tous les tuer dans la cour du château en arrivant dedans. Ils vont arriver l'un par un, littéralement, un film de kung-fu. Ils arrivent et ils les tuent. Et il va, il y en a un qui se jette dans un puits. Oui, il y en a un, il le blesse. Je fais, ah, vous ne m'aurez pas. Je sais pas, ils sautent dans un puits. Vous ne m'aurez pas vivant. Résultat, il n'y a plus personne dans le château et c'est finalement un des vassaux, même un serviteur qui reste en fait dans le château qui va l'héberger. Et l'édition de champion pense que c'est peut-être un motif parodique de l'hébergement par un vavasseur, donc on va encore plus loin, c'est la personne encore plus inférieure dans l'échelon social qui doit servir. Oui, là il y a clairement quelque chose où Sagremor a pas très envie de se faire héberger, mais finalement parce qu'on se dit bon, t'étais quand même en train de servir les gens que je viens de massacrer, et puis finalement il lui promet tellement, oui, venez dormir chez moi, qu'il finit par accepter. Et pourtant il y a pas de miracle particulier ou de nourriture magique ou de trucs comme ça, c'est vraiment juste standard au possible, mais tout est décrit en détail impressionnant. Ce qui est assez unique d'ailleurs, parce que d'habitude il décrit pas énormément de trucs, le Manessier. Il a tendance à être un peu plus facilement dans cette position rhétorique du oh, si je vous le disais, ça prendrait trop de temps. Si je décrivais ses armes, ça prendrait trop longtemps. Alors que Gerbert, lui, par contre, se complaît dans la description longue. Sagremor, toujours à la recherche de Perceval, va débarquer dans un château des jeunes filles. Château des pucelles. Château des pucelles, château des jeunes filles, bref. Ouais. Il va en fait battre Talides, qui est un chevalier qui cherche à obtenir la main d'une des pucelles du lieu. Et en fait, la maîtresse du château des pucelles, qui est une dame plutôt âgée, veut la défendre et veut empêcher que Talides la prenne. Et en fait, finalement, il y a toute une négociation. Il le bat, mais finalement, Talides convainc Sagremor de l'aider. Et finalement, la jeune fille que la vieille dame voulait empêcher de marier Talides, oh, elle est pas si contre, finalement. Et du coup, mariage se fait. Il y a l'idée qu'il voulait l'obtenir par la force, puis que c'était pas bien. Mais comme il a demandé poliment, ben, finalement, il peut se marier avec. Et puis la jeune fille est d'accord. Ouais. Les antagonistes de Manessier ont tendance à se réformer extrêmement vite, c'est-à-dire que ok, ils sont méchants, mais une fois qu'ils sont battus d'un seul coup, maintenant ils font ça devient une espèce d'oncle bizarre, et puis on peut juste les réintégrer dans la société polie. Et régulièrement vous avez des types qui font un truc absolument horrible, et puis que d'autres personnages se font tuer pour ça parce que ah, c'est des horribles violeurs ou kidnappeurs, puis là comme ils se sont réformés en 5 minutes, finalement on se dit non, en fait maintenant c'est nos amis. Et là c'est un des premiers cas où on se dit bon ben voilà, lui on est plutôt clément avec lui. La morale est assez inconstante, mais je pense qu'il y a une espèce de clémence généralisée où tout le monde est épargné, basiquement. Alors que quand vous lisez le conte du Graal, quand Gauvin avait trouvé un type qui violait des jeunes filles, il l'avait puni à une punition qui était quand même très infamante, de manger avec les mains attachées dans le dos comme un chien pendant un mois. Là, par contre, c'est plutôt on lui tape sur les doigts, on lui dit tu le referas plus, et puis maintenant il peut rejoindre la table ronde ou devenir un de nos potes. Et je pense que c'est pour souligner à quel point Partinal est méchant, et donc quand Perceval tue Partinal, on se dit ah ben voilà, là c'était vraiment vraiment justifié quoi. Là en l'occurrence, ça va être, on va avoir une autre histoire de vengeance pour le coup, et là presque un peu pas tellement légitime pour sa victime dans un premier temps, mais d'abord Sacrement va réussir à sauver une autre jeune fille qui là était dans une situation un peu plus périlleuse que la jeune fille du château des jeunes filles. Oui, c'est la scène de viol caricaturale où un chevalier la tient alors qu'elle est en chemise, et puis elle crie « Oh mon Dieu, Vierge Marie, sauvez-moi !» Puis elle implore, et puis Sagremor la sauve. Et de nouveau, Sagremor va être hébergé pendant 6 semaines parce que lui aussi est blessé. Et c'est du coup le passage à un nouveau chevalier. En l'occurrence, c'est Gauvin. On arrive à Carlyon. C'est toujours Carlyon dans les continuations. En fait, une jeune fille arrive. Elle est la sœur d'un chevalier dont l'aventure a été racontée dans la première continuation, en fait, dans la cinquième branche de la première continuation. Un chevalier arrive sous la garde de Gauvin, devient plus ou moins son écuyer, et il est assassiné, en fait, alors que Gauvin était avec lui, par un assaillant invisible. Mmh. Et la jeune fille, elle a appris, en fait, par son art, alors on peut penser que c'est sa sorcellerie, du coup, sa magie en tout cas, que c'était que qu'il a assassiné. Et je sais plus si dans la première continuation, c'est expliqué pourquoi il le tue. Dans la première continuation, Gauvin pense que c'est que d'abord, parce que en fait, que va lui parler et il se fait rejeter. Puis ensuite, Gauvin va lui parler et il dit « Ah, vous êtes courtois, je vais venir. » Puis là, il se fait tuer. Puis donc, Gauvin se dit « Que ? Pourquoi vous l'avez tué ? Juste parce qu'il vous avait rejeté ?» Et puis en fait, c'est pas que. Et là, l'idée, c'est qu'il a été tué par un assaillant invisible. Mais c'était pas élucidé, effectivement. C'était pas élucidé, mais c'était assez... Je crois, dans mon souvenir, en tout cas, dans la première continuation, c'était assez clair que c'était pas de la faute de Que. Et là, il nous fait une espèce de retcon où elle dit « Non, non, je le sais. » Elle dit « Par astronomie. » Je le sais par astronomie. Donc elle a lu dans les astres, par sorcellerie ou comme ça, elle sait que c'est Que. Il y a une espèce de on sait maintenant que c'est lui. On va aussi apprendre qu'il s'appelait Silimac. Donc c'était suivant la première ou deuxième visite au château du Graal que Gauvin faisait, il trouvait ce type qui mourait, et puis le type, avant de mourir, il disait « Ah, prenez mon arme et puis mon cheval, et puis allez-y. » Puis en utilisant sa monture, il arrivait au château du Graal, et il avait là quelques petites explications avant de s'endormir, et du coup, il n'a pas complètement achevé la quête. Là, on apprend notamment qu'il s'appelle Silimac. Donc elle va suivre Gauvin, en fait, oui. Pendant une partie de ses aventures. Alors là... il va d'abord sauver une femme qui est en chemin pour être brûlée vive. On l'a accusée d'avoir tué son propre frère. Et en fait, le petit peuple veut la défendre et il explique à Gauvin que c'est Dodinel le sauvage qui a commis le forfait. Et du coup, Gauvin, pour une raison... il arrive à justifier la libération de la femme. Mais c'est assez curieux comme passage. Il se fait quand même attaquer par une partie des gens qui voulaient essayer de brûler la dame, en fait. Mais il arrive à les tuer pour la plupart et envoyer de nouveau le survivant faire ses excuses. Et là, je ne sais plus si c'est de nouveau une aventure où le survivant refuse d'aller faire ses excuses à la dame directement parce qu'il pense qu'elle va le tuer. Non, il pense qu'elle va le tuer, mais quand il l'envoie, elle l'épargne parce qu'il vient au nom de Gauvin et puis du coup, il est pardonné aussi. Mais dans certains cas, c'est souvent la rhétorique du « va présenter tes excuses aux personnes que tu as blessées ». Non, ils veulent le tuer, donc va présenter tes excuses à Arthur. Voilà, je viendrai jouer de la table ronde. Va au pouvoir central, fédéral. L'appel est victorieux. On a un nouvel épisode d'assaut de roi qui veut absolument marier une demoiselle. La demoiselle donc arrive au château, elle est assiégée par Margon of Akkad, qui veut la marier de force avec son fils Quagrillo, ou c'est quoi comme nom ça, Quagrillo qui malheureusement donc elle accepte pas, mais le problème c'est que il avait retenu prisonnier son amant à elle, et en échange, elle avait capturé 30 de ses chevaliers, et il devait se les échanger. Et là, c'est la scène la plus métal de toute la continuation, c'est ma scène préférée, je pense. Elle s'apprête à relâcher des chevaliers à lui, et en fait, il pend son amant sous les yeux sous les murs du château. Il y a un côté très Game of Thrones dans l'espèce de sadisme qu'il y a dans cette scène. Du coup, le lendemain de la scène horrible, c'est vraiment ne pleure pas Jeannette, hein, nous le pendougurons. Et du coup, c'est la scène qui se passe, je vous assure, c'est la meilleure scène de toutes les continuations, je pense, à mon avis. Elle envoie ses troupes à l'assaut, il capture Quagrillo, donc le fils du roi qui essaie de l'assiéger, et elle le catapulte avec un mangono, il est vivant donc, hein. Elle le met dans le mangono, elle l'envoie avec son armure et sur la tente de Margon. Donc l'implication c'est qu'il meurt. Elle catapulte son fils débile sur sa tente et il arrive en armure, blam. Et puis il dit que maintenant, jusqu'à sa mort, il assiégera le château. Et c'est assez marrant parce que... C'est ma scène préférée. Honnêtement, pour une fois, un de ces méchants a une raison d'être un petit peu énervé. Alors c'est aussi ça, c'est lui qui a commencé, etc. Il a pendu, etc. Mais pour une fois, on a une espèce de forfait. C'est une de mes préféré avec la meuf dans le Perles Vos qui a inventé une triple guillotine pour les 3 meilleurs chevaliers du monde, genre les demoiselles château qui ont trop de temps libre pour inventer des nouvelles machines à supplice. Non, le coup du mangono catapulté sur la mer, j'ai genre lu ça 3 fois, j'étais là non mais c'est tellement génial. C'était tellement génial, le problème c'est que Gauvin va réussir à la délivrer du siège. Le truc c'est que il va apprendre qui est le siégeur, c'est Margon. Et Margon, c'est le roi des 100 chevaliers. Et si vous avez lu le conte, le prologue du Lancelot, le Merlin, la suite du Merlin, vous savez que le roi des 100 chevaliers finit par rejoindre Arthur. Mm-hmm. C'est un vassal d'Arthur. Et effectivement, c'est ce qui va se passer. La scène où Gauvin veut d'abord l'envoyer chez la dame pour qu'il s'excuse, mais il refuse et il l'envoie chez Arthur. Et il va rejoindre la table ronde, en fait. Dans l'intermède, la dame est finalement déçue parce qu'elle trouve que elle trouve quand même que Gauvin il est passé à sa fête de sang, ce qui se comprend d'ailleurs parce que elle, comparé à elle qui envoie des mecs qui catapulte des mecs vivants par Mangono. Alors du coup, elle lui donne une bannière rouge où il y a un lion blanc dessus en fait, et elle lui fait promettre que il teindra le lion blanc avec le sang de queue pour venger le frère. Et donc du coup, Margon va en chemin pour aller. Il y a de nouveau une aventure très Lancelot Graal, parce que en chemin pour aller se rendre auprès d'Arthur, il va apprendre que sa propre sœur, la dame de Malevo, qui est, vous vous en souvenez, la dame de compagnie de Guenièvre et l'amie de Galeot dans le Lancelot propre, elle est menacée par un Gorgaris. Et du coup, il la délivre et il tue Gorgaris et il est fait chevalier compagnon de la table ronde. Ce qui est franchement de dans la série des salopards qui sont Il a salopard repenti, c'est probablement le plus. Il voulait s'emparer d'une meuf. Il a fait pendre son amant. Après, on lui a catapulté son fils dessus. Donc bon, c'était pas sympa, mais il a quand même fait exactement ce pourquoi il va tuer Gorgaris. Donc et Gorgaris, je me suis demandé si c'était pas lié à Grigorias du Conte du Graal, donc une espèce de version Verlan de Grigorias Gorgaris. Ah, c'est possible. Donc après ses aventures, Gauvin, lui, va poursuivre son chemin. Il va arriver vers. Alors là, il va arriver chez une demoiselle qui s'appelle la Sœur Pucelle, mais en fait, c'est plutôt la Blonde Pucelle, si on se fie à la traduction de Marie-Noël Toury. Oui. C'est en fait la Sœur Pucelle, elle est la nièce de Silimac, donc le chevalier qui a été tué à son service, enfin sous sa protection. Et en fait, elle envoie son sénéchal pour le combattre, mais c'est interrompu parce que la dame dit que Gauvin est en train de combattre son cousin. Enfin, en gros, la dame qui l'a défendu contre Margon, donc la demoiselle, la sœur de Silimac, et elle est la tante de la Sœur Pucelle, en fait. Oui. Donc, ils sont tous parentes et elles vont donc les deux maintenant l'encourager de nouveau à aller se battre contre eux. C'est vraiment. Gauvin est assez réluctant hein, de l'idée de se battre contre eux. Il aime pas tellement l'idée. Il est quand même pote avec eux. Il se dit ouais, est-ce que c'est vraiment. Il est un peu ambigu son attitude avec eux. Quoi. Il aimerait pas. Il aime pas l'idée de devoir se battre contre eux. Même si apparemment qu'eux est quand même coupable. Hein. Donc, il va arriver à la cour du roi Arthur et Incognito va demander un duel à queue pour venger la sœur de Silimac. Et. Il va le battre et être à deux doigts de l'achever. Et c'est assez dramatique. Il est littéralement en train de pleurer sous son home avec son épée levée en se disant « Basiquement, j'espère que quelqu'un va crier pour me dire d'arrêter de faire ça parce qu'il dit « Je peux pas arrêter parce que j'ai promis. » Et puis la dame, la sœur de Silimac qui est dans le public, elle est super joyeuse. Elle est à fond. Elle a envie Elle est complètement, depuis le début, hein, elle a envie de voir que être saignée à mort jusqu'à ce que justement Arthur décide « Non, arrêtons le combat, épargnons-le. » Il intercède auprès de la dame pour dire « Oui, on va s'arranger ça sans violence. » Heureusement Arthur le fait, du coup il a pas à tuer que. D'ailleurs il s'en voudra beaucoup et plus tard justement il se débrouillera pour demander de façon détournée à que s'il a la moindre idée de qui était ce chevalier incognito qu'il a tabassé. Oui c'est ça. Et puis, enfin, donc, je crois qu'il demande des nouvelles de que à quelqu'un puis ils sont là, on sait pas qui l'a tabassé mais il va bien. Ah. Puis du coup quand on se dit ok cool. Il est rassuré. Oui il y a cette dimension, on en a parlé hein, mais dans la continuation de Manessier particulièrement, à présenter vraiment des histoires de résolution de conflits par d'autres moyens que la violence, ou au moins qui ne vont pas jusqu'à la mort. Il y a une notion vraiment de. T'as presque l'impression parfois que c'est un peu en train de préchi-précha, en disant ouais. Non, tu ne tueras pas quelqu'un avec qui tu peux négocier, vaut mieux avoir un système de pardon. C'est une des leçons que Perceval apprenait, hein. C'est une des leçons qu'il apprenait et puis qui est mise en scène, là. C'est peut-être un peu moins subtil que chez Chrétien. Oui. Donc, de nouveau, une brève aventure de Gauvin ensuite qui va croiser Agravin, en fait, le délivrer de 5 chevaliers qui sont en train de l'attaquer. Et il retourne à la cour avec Agravin. Et là, ce coup-ci, il est plus incognito. Et le comte va de nouveau passer à Perceval, qui, lui, est en train d'arriver à la chapelle de la Manoir. Il y a une terrible tempête. Et alors, il parvient, donc je vous résume, hein, mais il va parvenir à battre le diable qui l'attaque en trempant le voile blanc qu'il trouve dans l'armoire. En fait, le voile blanc est dans une espèce de calice, mm-hmm. et il le trempe dans l'eau bénite et il asperge l'église. Et du coup, la Manoir meurt, en fait. Il va inhumer la dernière victime de la Manoir dans la chapelle, dans un cimetière où les ermites qui vivent dans le coin, il y a un ermite qui est avec lui, inhume les victimes, en fait. Et du coup, la malédiction est finalement. Mise à mal, en fait, fini, terminé. Oui, il y a une explication. C'est-à-dire que cette scène, on l'a déjà vue dans la première continuation et dans la deuxième continuation. C'est-à-dire que Gauvin allait à la chapelle de la Main Noire, puis Perceval allait à la chapelle de la Main Noire. Et on voyait cette Main Noire qui était née à un cierge, et puis il y avait un chevalier dans une bière, dans un cercueil. Et on voyait pas exactement ce qu'il était, mais on apprenait chaque fois, le dernier chevalier en date était celui qui était dans la bière, en fait, oui. Plus ou moins. Et les deux avaient réussi à en réchapper. Là, Perceval réussit à le vaincre. En fait, il voit la main qui, d'un seul coup, un mur va se fissurer, et puis il voit que la main appartient au diable. Et puis c'est le diable qui est là en flamme. Et le diable discours avec Perceval et il lui dit renonce à ce que tu... Vraiment un discours de grand méchant qui lui dit ça ne sert à rien ce que tu fais, tu ne vas pas réussir. Puis Perceval arrive à le faire, mais malgré ça il y a une énorme secousse, tremblement de terre qui détruit à moitié la chapelle et les environs. Ce qui est souvent le cas dans les continuations quand il y a une manifestation du diable, que ce soit chez Manessier ou Gerbert. Et il y parvient malgré tout. Mais la scène dans le cimetière, je trouvais très, très impressionnante. C'est-à-dire que les ermites arrivent, apparemment, il fait sonner une cloche qui attire les ermites, qui disent « Oh, vous avez libéré ça ». Et ils disent que dans le cimetière, il y a des tombes en marbre qui apparaissent avec le nom de chaque chevalier, en fait. Donc il y a un peu de nouveau comme cette espèce de cimetière prédestiné que Lancelot avait rencontré dans le Chevalier de la Charrette. Là, on a des tombes miraculeuses qui apparaissent. Et puis, c'est un énorme cimetière. Donc ils disent il y a plus de 3000 chevaliers. Un par nuit. Il y a un chevalier par nuit qui arrivait et qui se faisait tuer. Plus de 3000. Donc il faut imaginer des tombes. Et à côté de chaque tombe, il y a un arbre. Et sur l'arbre, il y a l'écu du chevalier et puis sa lance. Donc c'est une scène comme ça qui s'étend vraiment, vous imaginez un énorme cimetière, et Perceval dit que, avant de partir, il parcourra le cimetière et il lira toutes les inscriptions sur les tombeaux, et puis un ermite qui lui répond « Off, que Dieu me garde, il sera plus de midi !» Donc, alors il y a deux choses qui sont intéressantes, bon là il y a déjà un petit peu d'ironie, du genre « Oui, mais si tu veux lire toutes les tombes, il y en aura quand même pour un moment », et puis aussi Perceval sait lire, ce qui n'est pas toujours le cas. Oui, c'est vrai qu'il est décrit comme vraiment très, très peu formé hein, au début du Conte du Graal. Il y a ça lui pose quelques soucis. Mais là, visiblement, il a appris à lire au bout d'un moment. Oui, apparemment, il sait lire. Il va plus tard lire une lettre. C'est d'ailleurs par une lettre qu'il va apprendre. Dans les deux continuations, parfois, il a des... Je crois que Gerbert dit qu'il ne sait pas lire, ce qui n'est pas complètement cohérent, si je ne me trompe pas. Oui. La suite des aventures de Perceval, il va y avoir comme une demande avant de... Parce qu'il y a un prêtre qui vit dans le, il y a un prêtre qui vit dans le, qui vit à la chapelle, qui est le principal ermite en fait du coin, qui lui demande et qui lui ordonne même de pas tuer en fait pour acquérir la gloire. Et c'est aussi de nouveau très significatif de cette tendance à favoriser les solutions entre guillemets non violentes ou en tout cas moins violentes. Il y a une espèce de petite minute de catéchisme où il dit mais qui es-tu, tu es un chevalier, puis il dit oh je vais partir pour conquérir de la gloire et faire des prouesses, puis il dit ah non mais si tu fais ça tu vas juste damner ton âme parce que c'est pas comme ça que tu dois sauver ton, c'est pas ça que tu dois vraiment faire. Et puis là Perceval se dit quoi, c'est pas ça qu'il faut faire, et puis ça se dit qu'il va se mettre dans le droit chemin. Il va d'ailleurs avoir une deuxième épisode de catéchisme pour les nuls juste après, parce qu'il va tomber sur de nouveau un diable, le diable en fait. D'abord il va perdre son cheval, il est renversé par un chevalier noir, puis il y a un cheval noir qui arrive à lui, donc visiblement c'est la même personne qui a organisé les méfaits. Ce cheval noir est un diable qui va essayer de le noyer, donc de nouveau un épisode qu'on trouve dans le Lancelot Graal. Hein. On trouvait dans la quête d'El Saint Graal où exactement de la même manière, la scène est en fait vraiment prise de là. Il est sur le cheval, il fait le signe de croix, le cheval se jette dans l'eau parce qu'il supporte pas le signe de croix, et il se retrouve au pied d'une falaise exactement comme dans la quête, et il est au pied d'une falaise contre la mer, et du coup il a pas d'échappatoire, et puis il y a un bateau qui arrive, et puis il y a un diable qui vient le tenter. Et là en l'occurrence le diable prend l'apparence de Blanchefleur, sa dame en fait, depuis le Perceval de Chrétien, et Perceval arrive pour le coup à échapper de nouveau, donc comme dans la version de la caste, il y a vraiment ce moment où il est en train de se déshabiller, il est à moitié nu au-dessus de Blanchefleur, enfin du diable sous la forme de Blanchefleur, et il s'apprête à la connaître charnellement, et il voit son épée, le pommeau de son épée qui forme une croix, et c'est là qu'il se signe et que le diable disparaît. Ensuite, il y a un vieil homme, et je crois, si j'ai bien compris, c'est le prêtre en fait de la chapelle avant qui arrive dans une nef. C'est le prêtre. Qui lui explique que tout ce qui s'est passé dans ces deux épisodes, et il va l'amener vers un château qui s'appelle le château de Lindsor, peut-être Lindsay, je ne sais pas où exactement où ça se trouverait. En tout cas, toujours est-il qu'il va battre le chevalier du château, l'envoyer chez Arthur. Il va ensuite brièvement avoir une petite aventure avec Dodinel. Il secourt l'ami de Dodinel et lui promet qu'il le retrouvera à la Pentecôte. Et ça devient vraiment ça va devenir le leitmotiv. Il promet à des chevaliers qu'il va les revoir à la cour d'Arthur à la Pentecôte. Et là, il tombe sur une demoiselle montée sur une mule qui lui dit que Blanchefleur est assiégée par Harry des Escavalons. Ce qui est intéressant avec je trouve vraiment dans le Manessier, c'est la réduction des enjeux. Ouais. Avant, une demoiselle sur une mule, elle t'aurait accusé d'avoir commis des méfaits sinistres contre l'existence même de l'humanité à cause de d'avoir Dieu perdu et, Dieu et Jésus pleurent sur ta face parce que tu n'as pas dit le gras. Enfin, c'est vraiment des trucs vraiment des aventures fantastiques quand les demoiselles arrivent sur des mules. Là, c'est vraiment elle est assiégée par un Arides d'Escavalon. Encore un chevalier d'Escavalon. Hein, les gens aiment bien associer des chevaliers d'Escavalon. Et donc du coup, il dit de qui va partir sans délai. Il y a une scène que je trouve extrêmement, franchement, une de mes scènes préférées, celle-là, c'est quand il entend ses paroles, il saute sur ses pieds et il dit « Je ne tarderai pas davantage, mais je partirai avec vous, à condition de manger un petit peu avant. » Puis la demoiselle dit « Ah non, mais moi, je ne vais pas manger. » »« Ok, bah allons-y maintenant, alors. Juste... » Alors, il va courir jusqu'au but. Alors, entre-temps, il s'est fait... vous vous souvenez que... Alors, on ne l'a pas mentionné, je crois, mais son épée a été... cassé un peu au début de l'aventure de façon assez brillante. Oui, en fait, quand il sauve Sagremor, donc sa première scène en fait, quoi, il casse son épée. C'est tellement un détail en fait. Ça passe très vite et puis après ça n'a pas l'air de le gêner plus que ça parce qu'il a aussi plusieurs épées donc. Du coup, il va rencontrer à ce moment-là le forgeron Tribuet, donc Trébuchet. Ça dépend des vers. Ce qui est le forgeron, on nous l'avait dit, c'était lui qui a forgé l'épée que le roi pêcheur lui a donnée dans le conte du Graal quand il s'apprêtait à partir. Et en fait, il lui avait fait une promesse que l'épée serait brisée et que Trébuchet la réparerait. C'est ce qui se fait en fait. C'est très simple dans cette version-là. Il y a une version plus élaborée de la rencontre avec Trébuchet chez Gerbin. Il va du coup se retrouver à Bourg-Père. Il va dormir toute la nuit et il va passer un peu de temps avec sa douce. Il va battre le perfide Arides d'Escavalon, mais elle lui demande de rester pendant au moins un mois, et lui il dit que non, il peut pas, il a promis qu'il serait à la Pentecôte chez Arthur. On va du coup voir l'arrivée de plusieurs prisonniers de Perceval à la cour d'Arthur, notamment Arides qui vient d'arriver, et Perceval annonce par leur biais quelque part en fait qu'il va revenir bientôt à la cour d'Arthur. Il va rencontrer le Beaucouard, qui est un chevalier qui est magnifique, qui est beau, qui a l'air d'être un chevalier excellent, mais il est peureux. Et à la suite d'un tournoi, il va prouver que finalement il est valeureux, il va le rebaptiser le Beauhardi. De nouveau, on tombe sur des jeunes filles en chemise qui sont prisonnières de méchants chevaliers. Perceval les combat, et il va pas être vraiment très aidé par le chevalier Couard qui est encore un peu non, en fait le chevalier Couard il veut pas s'impliquer parce qu'il dit ah non, mais il a un discours qui est presque trop passé par rapport à Perceval qui justement apprend qu'il faut pas se battre pour rien. Le chevalier Couard c'est encore l'extrême opposé, c'est lui, il veut se battre pour rien en fait. Il est là à dire ah on gagne rien à se battre, je préfère fuir, et puis il porte tout son équipement à l'envers, donc il est vraiment pas prêt pour la bataille. Mais les chevaliers là continuent à lui taper dessus, puis là monsieur je vous ai pas attaqué, donc laissez-moi tranquille. Et puis ça a pas l'air de bien marcher, alors il commence à s'énerver et puis il finit par les défoncer parce qu'en fait il est très fort. Mais Perceval va se faire blesser par un cavalier archer qui lui envoie une flèche empoisonnée en fait, et il va faire soigner sa blessure dans un château pendant nouveau un mois. Il va être mis hors de... Ouais, apparemment ça lui traverse vraiment toute la cuisse, et puis aussi ils disent qu'il a un arc à la façon des Turcs, alors je sais pas exactement ce que ça veut dire, mais... Je pense que ça doit être un arc composite, ça simplement désigne un archer à cheval parce que ça doit pas être non plus très très courant à l'époque. Sagremor, qui lui, vous vous souvenez, il était blessé depuis le début du roman comme Perceval, là c'est lui à son tour de sortir de sa convalescence et de rejoindre Arthur à Camelot, ou Carleon, je sais plus lequel c'est. Il va rejoindre Dodinel en chemin. Le roi, il y a une petite allusion peut-être aux tendances d'Arthur à ne pas manger avant qu'une aventure arrive. Il y a comme cet épisode-là, sauf que là, Arthur est dit bon, on peut-être pas manger avant une aventure, mais il y a rien qui se passe, donc il dit bon, faut bien manger, hein. Et il se dit ouais, Perceval doit être malade, emprisonné quelque part, ça c'est pour ça qu'on l'a pas vu depuis longtemps. Et Lancelot et plusieurs autres chevaliers, dont notamment Gauvin, Bort, Yvain, Sagremor, Dodinel, Gariette, Gaerès. Et toute la liste à peu près, c'est une liste à peu près comme dans le... On a l'impression d'être dans Color Helwen. 25 chevaliers au total partent à la poursuite de Perceval, et ils se séparent en plusieurs groupes. Et de nouveau, une arrivée... on arrive dans la caisse d'Alsingral de nouveau, parce que Bort, qui est conçu sur un petit chemin, tombe sur une jeune fille en train d'être violée par un chevalier et 10 brigands. Enfin, une ensemble de chevaliers, une dizaine de chevaliers qui est en train de violer une jeune fille, quoi. Et il voit aussi son frère Lionel qui est transporté nu par des chevaliers qui le fouettent. Donc, c'est quelle personne dois-je sauver plutôt ? Il décide de délivrer la jeune fille et après de partir à la poursuite de Lionel, mais c'est Gauvin qui délivre Lionel. Et du coup, il y a un épisode de tentation juste après ça, vu que Bort ne sait pas que c'est... Gauvin qui a délivré Lionel, il pense qu'il va mourir et il a une vision du diable qui voit, il voit le corps de son frère mort et fait un signe de croix, et du coup il y a une tempête qui détruit toute la forêt et le corps disparaît. C'est vraiment assez curieux comme que il pense pas que les chevaliers vont avoir comme premier réflexe de faire un signe de croix le diable. Ouais, non, c'est une scène qui est honnêtement assez, entre guillemets, moderne en termes de narration, c'est-à-dire l'idée que le diable va tenter Bort pour moi j'aime bien cette scène où justement le diable dit je vais apparaître comme ton frère mort. Après bon voilà, c'est la scène piquée de la quête du Saint Graal, mais qui à mon avis fonctionne assez bien là. Alors du coup après cet petit épisode il va être un peu délésionné parce qu'il est il trouve Lionel. Alors Lionel est bien sûr vivant, il est sauvé par Gauvin. Bort est très heureux, mais Lionel beaucoup moins parce qu'il est très fâché contre que Bort l'a abandonné. Ouais. Contre Molly. Et c'est là qu'arrive Calogrenant, qui n'est pas intervenu avant dans ce récit vraiment. Enfin, il est parti de la Lise des Chevaliers qui va partir à la recherche de Perceval, quoi. Mais il n'est pas intervenu avant. Et il va défendre Bort parce que Bort ne veut pas se défendre lui-même. Il se dit quoi, il a peut-être un peu raison Lionel de m'en vouloir. Mais du coup, Lionel va finir par le tuer en fait, alors qu'il s'est interposé. Et c'est ça en fait qui va provoquer le reflux de sa colère. Il va réaliser ce qu'il a fait et ils vont les deux pleurer la mort de Calogrenant. Et un ermite qui aide à enterrer Calogrenant les informe qu'en fait c'était le diable qui possédait Lionel. Alors peut-être que l'idée que Bort tombait sur son corps, c'était un signe qu'il y avait quelque chose qui n'est pas totalement correct, même quand il allait le rencontrer, je sais pas. Toujours est-il que ce qui est vraiment bizarre, c'est que si c'est le diable qu'il possédait, pourquoi alors l'ermite fait graver sur la pierre tombale Sigi Calogrenant, Sidosos Git Calogrenans, et si le ciste Lionel passa cruauté, ce fut trop grande déloyauté. Et que Lionel l'a cruellement tué et commis ainsi une grande déloyauté. C'est assez curieux comme repoussement du problème sur ça, Lionel. C'était pas de sa faute parce que c'était le diable, mais finalement sur la tombe on va quand même dire que c'est lui qui l'a tué. Calogrenant a un côté très alors qu'il est en train de se faire bousiller par Lionel, il dit à Bort que même s'il devait mourir pour lui, il serait très content de mourir pour un chevalier aussi grand que Bort. Donc c'est assez, une scène assez larmoyante. Puis les deux frères se séparent ensuite parce que apparemment Lionel a besoin d'un peu de temps seul. Oui, il le dit littéralement, c'est très moderne hein, comme je pense qu'il y a mes fêtes. L'épisode suivant, c'est l'épisode du Beauquoir qui devient le Beauquoir dit officiellement. Il a déjà prouvé sa valeur pendant la petite bataille avec Perceval, mais là il va vraiment devenir le Beauquoir dit. Et après ça, Perceval va se séparer de lui parce qu'il doit aller à un endroit où il doit aller seul, donc il va retourner au château du Graal. De nouveau, c'est très je dois affronter ça seul. Il va se battre contre Hector Desmarres. En chemin, qu'il le croise, c'est vraiment, il croise Hector Desmarres et il se fonce dessus. C'est vraiment Gauvin et c'est vraiment les chevaliers et Perceval et les gouttes de sang sur la neige. Hein, c'est vraiment le même leitmotiv. Et ils vont en fait quasiment s'entretuer. En fait, ils sont très bons chevaliers tous les deux. Ils sont à l'article de la mort et chacun se dit si c'est moi qui survie, j'irai dire ton nom. J'irai dire mon nom à tes enfants. C'est exactement ça. Ils sont en train de se vider de leur sang en n'arrivant pas à se lever du sol. Et du coup, il y a un ange qui descend du sol avec le Graal et qui les fait revivre les deux. Oui, comme c'est une scène qu'on avait dans la fin du Lancelot propre. Un peu différente, je crois que dans le Lancelot propre, c'est juste le Graal. Là, t'as un ange avec le Graal, donc c'est un petit peu... Dans le Lancelot propre, je crois qu'il y a juste une vision du Graal et puis paf, ils sont guéris. Là, il y a plus un truc angélique. Alors, Perceval, du coup, va se séparer d'Hector et va tomber sur un château dont il reconnaît la tour rouge, puisque le roi pêcheur l'avait informé que ce château avec une tour rouge, c'est celui de Partinal. Et il décide donc d'aller remplir son office. Il lui était demandé de le tuer, donc il va le faire. Et là, devant la tour de Partinal, il y a un écu accroché avec les armoiries de Partinal dessus. Les armoiries représentent apparemment deux demoiselles d'or sur fond d'argent et d'azur, mais c'est pas grand-chose exactement ce que c'est. Et Perceval voit un jeune homme à côté de l'arbre auquel est accroché le bouclier et il dit que en fait les chevaliers sont censés essayer de prendre le bouclier et sont tués au combat et abattus ainsi après. Ouais, c'est pour défier. En fait, Partinal défie les chevaliers errants en duel et puis s'ils gagnent, ils les tuent. Ouais. Par contre, Perceval est très fâché parce que maintenant il a appris que tuer les gens c'était mal. Voilà. Donc il fait ah, et du coup il prend. J'aime beaucoup cette scène. C'est très drôle comme ça. Il dit ah, tuer les gens. Enfin, il dit basiquement tuer les gens pour si peu, c'est un grand crime. Et il prend l'écu et il le fracasse contre l'arbre. Au lieu de simplement le. Ce qui est très intelligent parce que puis quand Partinal arrive, il a pas d'écu. Et du coup mon plan a échoué. Plan diabolique. Et du coup Perceval peut le battre assez facilement et Partinal refuse de se soumettre. Et du coup là il est décapité au lieu d'aller se rendre paisiblement. Lui par contre il n'est pas rentré dans l'ordre des choses. J'aime beaucoup cette, je veux dire, j'aime beaucoup la scène parce que Perceval fracasse le corps et puis le jeune homme sonne un corps et puis il a l'air assez inquiet parce qu'apparemment il doit sonner un corps pour que le combat se déclenche. Oui. Et j'aime beaucoup l'espèce de jeune stagiaire en aventure chevaleresque qui doit gérer le pire client de sa journée qui vient, qui fracasse le pied, qui doit sonner le corps. Non, c'est ça, il y a vraiment un comique de situation indéniable là-dedans, je trouve, franchement. Et Partinal, qui est tellement méchant et qui refuse de se soumettre, alors Perceval le décapite et prend sa tête. Vraiment, accroche sa tête à la selle. Voilà, il va aller planter sa. D'ailleurs, il va aller planter sa pique au château du Graal. Hein. Oui. Du coup, il va amener la tête de Partinal et l'écu. Enfin, ce qu'il en reste de l'écu de Partinal au roi pêcheur. Ce qui est d'ailleurs de nouveau très rigolo. Hein, aucun problème pour trouver le château du Graal. Hein, là, maintenant, non, c'est là, sur le GPS. Non, c'est ça. C'est exactement ça. Pendant des mois, vous oubliez. Je trouve d'ailleurs très. Ça m'a fait penser parce que on voit aussi Aglovale dans dans les aventures de Perceval. Aglovale, c'est le frère de Perceval. Perceval et Aglovale, c'est des noms qui font franchement m'incite à penser que à la base et Pertinal de nouveau, à mon avis c'est juste une corruption à la base. Ça devait être Perceval, Pertinal, c'est des noms éloïstes, c'est des noms anciens et à mon avis j'ai cherché un peu et je pense que Gauvin à la base ça a été déguisé, hein. Ils ont juste rajouté un petit trait les copistes, mais à mon avis à la base c'est Yawain. C'est un nom yaviste, c'est une addition ultérieure. Voilà, tout à fait. Je vais remettre en question toute la constitution du canon arthurien. Non, je fais cette blague surtout pour vous dire parce que c'est j'avais déjà pensé au nom biblique un peu moyen-orientaux avec Margon d'Akkad, le roi des singes chevaliers. Et là, pour le coup, le Partinal qui a tous ces noms Al dans cette lignée là, qui me fait penser à tous ces noms bibliques qui se finissent en L en fait. Et d'ailleurs, j'ai regardé Perceval, tu peux translittérer ça Perceval, et donc c'est quelque chose comme Dieu et ou Dieu et la séparation, ou Dieu et la coupure, et ça vraiment ça colle assez bien avec Perceval, je trouve, comme Dieu coupe, en hébreu, Dieu qui sépare. Non, mais toujours est-il que c'est une blague évidemment, mais j'étais un peu surpris par cette proximité linguistique avec Partinal en fait. Quelque part, ça implique aussi cet écho-là, ouais, du pêcheur qui est en Perceval. C'est un peu le double maléfique. C'est vrai que Partinal, ça fait très dark Perceval. Ça fait très le double maléfique de Perceval. Même s'il n'a pas grand. Il n'a pas vraiment de propriété en rapport avec Perceval. En fait, on sait tellement peu de choses de lui que. Oui, il y a ce côté un peu curieux là-dedans. Enfin, toujours est-il que la victoire ayant été emportée, il peut ramener la tête de Partinal à son oncle du coup, le roi pêcheur. C'est vraiment le Partinal a assassiné l'oncle un autre oncle de Perceval en fait. Oui, en fait, et du coup c'est l'oncle de Perceval qui va recevoir la tête de Partinal. Il est immédiatement guéri en fait. Dès que Perceval arrive, il peut le recevoir debout. Ce qui pose une question: est-ce qu'il a été guéri à l'instant même où Perceval décapite Partinal? c'est un genre de truc. Mais justement, ça c'est aussi un truc très biblique. Tu peux demander. Faudrait demander à la Midrash des rabbins sur le sujet. Est-ce que quand tu décapites l'ennemi qui a les actions ont maudit ton oncle, est-ce que ton oncle est guéri immédiatement ou est-ce qu'il est guéri quand il apprend la nouvelle? Toujours est-il que maintenant qu'il peut venir accueillir Perceval debout, il va pouvoir mettre la tête de Partinal sur une pique au sommet de son château et on va pouvoir assister au service du Graal. Et là, Perceval est tellement fasciné qu'il oublie de manger, donc il n'a pas dû beaucoup se nourrir dans cette aventure. Ouais. Déjà qu'il refusait de se nourrir pour aller aider Blanchefleur plus vite. Et le roi lui demande qui il est et il découvre que c'est son neveu. Ce qui est quand même assez. Alors, ce qui effectivement n'était pas le cas dans la seconde continuation, parce que la conclusion de la seconde continuation du manuscrit de Berne doit explicitement le dire, mais enfin, tu dirais quand même que Clermite le sait, le roi pêcheur doit quand même savoir 2-3 trucs à propos de ça, je sais pas, c'est assez curieux quand même. C'est assez bizarre. Mais... D'ailleurs, c'est un changement par rapport à Chrétien. Je crois que c'est assez vite intégré que le roi pêcheur n'est pas en fait ce qu'il est. Chez Chrétien, c'est le cousin de Perceval, le roi pêcheur, c'est le fils de l'autre roi blessé qui est servi du Graal. Mmh. Et ce roi blessé là, c'est l'oncle de Perceval, mais dans la version de Chrétien à la base, c'est censé être son cousin. Ouais. Et après, dans la version dans la conclusion de la seconde continuation, le roi pêcheur est en fait le grand-père de Perceval d'un coup. Ouais. Et dans cette version là, il devient son oncle en fait, un peu comme s'il avait été fusionné directement avec le premier roi pêcheur. du coup, vu qu'il apprend que c'est son parent, il va faire de Perceval son héritier en fait au trône du roi pêcheur. Et alors du coup, pour le coup, maintenant, Perceval n'a plus d'excuses. Il doit se rendre à la cour d'Arthur après une nuit de fête. Et ici, il se rend à Carleon. On lui fait cependant cadeau, avant qu'il parte, une armure noire comme l'encre. Et en chemin, il va... Je me demande si c'est lié à ça, cette histoire de couleur. En chemin, il trouve 6 écus de couleurs différentes accrochés à des arbres et il combat les 6 propriétaires des écus. Oui, c'est des couleurs différentes, mais ils ont aussi des armoiries un peu... C'est pas des écus unis de couleurs différentes. Oui, mais il y a vraiment ce côté multicolore. Il y a un côté très noir, en fait. Vraiment 6 pélos multicolores qui n'ont rien à faire là puis qui défoncent en rien de temps. C'est très curieux, c'est vraiment une référence biblique, c'est Joseph et la coat, coat of many colors. Coat of many colors. Bah là, on a justement une autre blague sur les couleurs qui est faite par Queux, parce que quand il voit Perceval arriver sur son destrier blanc avec son armure noire, tout le monde dit qu'est-ce que c'est, puis il y a Queux qui dit ah, ça doit être un diable qui chevauche un ange du ciel, Saint Gabriel ou Saint Michel. Merci Michel Pastoreau. J'aime beaucoup en fait l'usage des rimes dans la continuation de Manessier, parce qu'à chaque fois qu'il ne savait pas quoi faire comme rime, il fait une rime avec Saint Machin. Genre là, bah là en l'occurrence, ça marche plutôt bien avec la rime avec Saint-Michel, mais régulièrement, il sait pas quoi mettre comme rime, alors il trouve le nom d'un saint, et puis il dit, on croirait que c'est saint... Ah, quelle histoire de balerne par... Saint-Kentigern. Non, c'est exactement... Il y a des passages qui font très comme ça. Non, c'est, à part ça, c'est assez malin. C'est finalement assez proche de ces... Tu gagnes des points de... Des épithètes homériques qui servent à faire des vers assez faciles. Combien de trucs tu peux faire rimer avec Athéna Glaucopis ou Zeus Portégide, fille de Zeus Portégide, l'aurore aux doigts de rose. En l'occurrence, effectivement, malgré cette espèce de pastourade, tout le monde va raconter ses aventures. Et alors, il y a l'histoire de Portel Lionel, et tout le monde est triste pour Calogrenant. Perceval raconte toutes ses aventures, et Arthur fait consigner le tout dans un manuscrit de Salisbury. Donc, Salbière, hein, c'est le Salbère. C'est une idée qui revient très souvent chez Manessier, que ses sources, en fait, c'est des manuscrits que Arthur fait compiler. Quand le roi des 100 chevaliers arrive, il raconte son aventure, et ouais, il fait inscrire dans l'histoire l'histoire du roi des 100 chevaliers, nommer son nom, registre, etc. Donc, il y a une côté très bureaucratique, finalement, à Table Ronde, qui est un peu... J'ai l'impression que c'est un peu l'histoire qui a surtout inspiré Kaamelott. C'est cette version-là qui, plus qu'autre chose, inspire cette histoire de Blaise qui relate les aventures. D'habitude, Blaise relate les aventures un peu... c'est Merlin qui lui dit des trucs dans les versions de Robert de Bron. Là, c'est vraiment Arthur qui fait ordonner la mise par écrit des aventures telles qu'elles sont racontées à la table ronde. Et on retrouve pas souvent ça, hein, mine de rien. Non, des on le retrouve quand même assez souvent. Tu trouves qu'on trouve beaucoup de rencontres à table ronde où tout le monde raconte ses aventures? Alors, dans la quest d'El Saint Graal, il y a ça dans la quest de Saint Graal quand ils reviennent. Oui, c'est vrai, dans la quest. Mais... Dans le Lancelot en prose, il fait mettre par écrit les exploits de Gauvin, d'Hector et de 18 compagnons. Oui, j'entends l'espèce de powwow où tout le monde se retrouve et tout le monde à tour de rôle, là, le show and tell. Hein, et... Non, mais je dirais... Qu'est-ce que tu as fait pendant tes vacances? Je dirais, il y a ça dans le. Il y a ça en tout cas dans le Lancelot Graal qui est passé par là. Et puis il y a ça aussi apparemment, un passage de l'Espoir des Anglaises de Gaimar, c'est Toury qui le mentionne, où justement Robert, roi de Gloucestre, fait translater cette geste. Apparemment lui aussi, il y a justement des guerriers qui reviennent et puis il fait écrire leurs exploits vite fait. Donc c'est un motif qui est plus c'est un motif que plus ça. Court, hein, mais là c'était vraiment ce côté de réunion où tout le monde raconte l'histoire en même temps. C'est vrai que ça prend un petit moment quand même. Du coup il y a une longue fête à l'occasion de cette rencontre qui dure 8 jours, et alors là malheureusement une dame... apporte une lettre à Perceval, il la lit de nouveau, hein, il sait lire, et il apprend que son oncle, le roi pêcheur, est mort, et qu'il est donc appelé à Corbenic pour lui succéder à y régner. Tout le monde est très content, mais bon, Perceval est un peu désolé quand même, parce qu'il va devoir partir tout le monde. Perceval est couronné lors de la Toussaint, en même temps que 14 autres rois, donc ça c'est assez... c'est curieux, je sais pas d'où viennent ces 14 autres rois, mais enfin, il est couronné un peu en tant que chef de ces rois, quelque part, c'est l'implication. Et toute la table ronde est déplacée à Corbenic pour l'occasion, hein, il y a un service du Graal, et puis Perceval peut l'expliquer, maintenant c'est son rôle après tout, hein. Ouais. c'est très marrant. Plutôt que d'envoyer des gens balader à travers la terre pendant des années pour rien, maintenant voilà. Il peut juste expliquer aux gens ce qui se passe. Perceval marie les filles du... il les épouse pas, il donne en mariage les filles du roi pêcheur, ses cousines. Du roi pêcheur et de Gondezert. Et de Gondezert aussi d'ailleurs. Il y a la fille du roi pêcheur et puis la fille de Gondezert qui sont les deux ses nièces. Par contre, lui ne se marie pas. Il est un peu prêtre éternel. Dans cette version-là, il n'est pas du tout marié à Blanchefleur. Pauvre Blanchefleur, d'ailleurs, qui se fait abandonner un peu à la sauvage par Perceval. Hein. Et il va régner en paix pendant 7 ans. Et après, il apprend la mort de son frère à Gloval. Qu'on n'a pas beaucoup vu non plus, d'ailleurs. Non plus, mais c'est ça qu'il décide, en fait, à abandonner lui-même ses terres, puis à rentrer dans les ordres, quelque part. Il va devenir d'abord ermite, puis il va se faire couronner. Il va se faire... pas couronné, il va se faire oindre d'abord sous diacre, diacre, puis prêtre. On nous explique toute la lignée des offices qu'il reçoit. D'ailleurs, il commence par acolyte, d'ailleurs, probablement. Il va sortir dans un ermitage dans lequel il est suivi par le Graal, la Sainte Lance et le Tailleur d'Argent. Puis c'est vraiment, t'as vraiment l'impression qu'ils le suivent en flottant dans l'air derrière. Ils rebondissent derrière lui, comme dans un cartoon. Exactement ça. Alors, pendant 10 ans, il est nourri par le Graal, sans autre nourriture, donc c'est classique. Hein. C'est presque la fin d'une vie de saint, en fait, ça. Oui, beaucoup plus qu'une vie de chevalier, d'ailleurs. Il décède la veille de la Chandeleur un jour. Donc, alors, pourquoi la symbolique de la veille de la Chandeleur? J'imagine que le ça doit être février. Avoir... Il molque, Antoine, c'est en clair. La Moi, je pensais plutôt au Nunc Dimittis et l'histoire de Siméon, mais pourquoi pas? Et du coup, il est entouré... il est enterré au palais aventuré, le Graal, à sa mort, retourne au ciel. Donc c'est un peu égoïste, finalement. Le Graal ne reste pas sur Terre après la mort de Perceval. D'ailleurs, on ne le retrouvera pas après sa mort. Non. Il a aussi confié ses terres au roi Maron, qui est apparemment mentionné que dans ce texte, donc on ne sait pas trop ce que ça veut dire, mais apparemment, il est un roi... Maron qui... Maron. C'est un roi italo-américain particulièrement énervé. Et aussi, il y a encore un dernier chapitre. Roach a fait une séparation en 30 chapitres et un épilogue, donc 31 chapitres en fait. L'épilogue, c'est, je peux peut-être vite vous lire l'épilogue, qui dit « Qui se rend encore dans ce pays peut voir le tombeau placé sur quatre piliers d'or, ainsi qu'en témoigne Manessier qui achève cet ouvrage pour la comtesse Jeanne, puissante dame de Flandre, dame de haut mérite et de grand sens, que le Seigneur Dieu a pourvu de sagesse, de vertu, de beauté, de courtoisie, de loyauté, de noblesse, de générosité, de valeur. Parce que j'ai tant appris librement de son bon exemple, j'ai pour elle fini mon livre. Il a été commencé pour son aïeul, et depuis lors, personne n'y a mis la main, ni ne s'est attaché à le terminer. » Ce qui est pas très gentil pour Vaucher de Dénin, qui a fait quand même une continuation, théoriquement. Mais bref. Sur laquelle il s'appuie d'ailleurs. Ouais, et dame, c'est pour vous que Manessier s'est efforcé de l'achever en suivant exactement l'histoire qui a commencé sans conteste au moment où l'épée a été ressoudée. Donc il admet quand même que lui, il reprend au moment où l'épée a été ressoudée. Donc il dit quand même, il est honnête sur quelle portion il a rédigé lui. Il l'a tout raconté, tel qu'on la trouve à Salisbury, comme en témoigne et en donne la preuve l'écrit que le roi Arthur scella. Encore peuvent l'y voir là, sur un parchemin scellé, ceux qui passent par ce chemin. Explicite de Perceval le Gallois. Ouais, c'est vraiment une conclusion pour moi. C'est marrant parce que cette version avec le tombeau sur les quatre piliers de Perceval, c'est vraiment la culmination du saint, en fait, du saint chez qui tu vas en pèlerinage. Oui. C'est pas simplement un tombeau de noble ou de roi, c'est vraiment un tombeau mis en évidence ou sur lequel tu vas aller tourner, prier. Oui. C'est vraiment la conflation de la vie de saint, là, pour le coup. Non, il y a beaucoup de choses à dire. Je trouve assez intéressant, en fait, qu'il ne mentionne pas les deux autres continuations. Est-ce qu'il essaie de sous-entendre qu'elles sont aussi intégrées? Est-ce qu'il essaie de les rattacher à Chrétien aussi? Du genre, en fait, Chrétien aurait rédigé jusque avant que je reprenne, et c'est ce qui est sous-entendu? Peut-être qu'il n'avait pas l'idée, d'ailleurs, hein, que Chrétien s'est arrêté là. Peut-être que la deuxième continue. Peut-être pour ce qu'on en sait. Nous, on sait que Chrétien s'est arrêté là, mais peut-être que effectivement d'autres l'ont repris assez vite et que c'était pas forcément de... Peut-être que c'est comme Jim Davis qui a continué Garfield pendant 30 ans, mais il a sous-traité à d'autres types pour pas avoir à le dessiner lui-même. Oui, c'est ça, ça se trouve. C'est difficile à savoir. Peut-être qu'effectivement, le Conte du Graal circulait sous le nom de Chrétien. Aussi, il faut dire que les deux premiers continuateurs ne donnent pas leur nom. On attribue la deuxième continuation à Vaucher, basée sur... Il y a une mention du nom de Vaucher. Je crois qu'il mentionne quand même son nom. Peut-être très brièvement, peut-être qu'aussi ça n'a pas survécu partout, je ne sais pas. Enfin, en tout cas, la première continuation... Il n'y a rien qui indique son auteur, donc on peut comprendre qu'il l'aurait pris pour Chrétien. Quoi. Mais aussi, peut-être que ce qu'il veut dire, c'est finalement, contrairement à moi, tous ces pélos, ils n'ont pas fini l'histoire, ils ne nous ont pas amené plus proche de la solution, finalement. Peut-être c'est ça qu'il sous-entend aussi. C'est possible, ouais, c'est fort possible. Je voudrais juste souligner, y a beaucoup de choses à dire sur la continuation. On remarque une dimension beaucoup plus cléricale, la quête du Graal est passée par là, donc on a aussi des ermites qui nous expliquent des trucs, on combat le diable littéralement, on a repris des passages, on a des gens possédés par le diable aussi. Ce qui vraiment m'a frappé quand je l'ai lu, c'est un peu les problèmes de la... peut-être pas de la morale, mais justement, on a tous ces personnages qui... on commence avec littéralement une fille enlevée par Sagremor, qui ensuite combat des gens qui violent une fille, puis ensuite on a l'ami de Dodinel le Sauvage qui est violé, puis littéralement toutes les aventures, c'est des dames dans leur château qui sont assaillies par des gens qui veulent se marier avec elles ou les violer. Donc c'est littéralement entre le début... où le roi pêcheur lui dit « Il faut que t'ailles tuer Partinal », et la fin où Perceval tue Partinal, tout ce qui se passe, c'est qu'on a des chevaliers qui sauvent des dames. C'est à peu près tout ce qui se passe. On a 2-3 autres épisodes, la chapelle à la main noire, etc. Mais sinon, c'est un peu... La grande majorité des aventures, c'est ça. Ce qui explique pourquoi c'est pas très... Disons, sur le plan... Si ce qui vous intéresse, c'est le Graal, c'est pas quelque chose qui vous intéresse beaucoup. Et aussi, le côté un peu où tous ces méchants violeurs, genre notamment, je sais plus comment il s'appelle, Ménandre, qui était celui qui voulait s'emparer de l'ami de Dodinel, il dit « Oh, j'ai été enflammé d'amour, et puis j'ai voulu me la saisir, mais c'était peut-être pas très bien. » Et il raconte ça à la table ronde, il me dit « Ok, bah maintenant tu fais partie de la table ronde. » Genre le roi Auchan Chevalier, pareil, Margon, vraiment, à part Partinal, on est potes avec tout le monde. Et puis honnêtement, étant donné que le ressort moral et le danger de toutes les aventures en dehors du Graal, c'est de préserver les dames. Le fait que les méchants qui agressent les dames, on les voie pas du tout, on les punisse pas, ou on ait absolument rien à leur dire au bout de 5 minutes, pour moi, ça rend le truc un petit peu... ça fait un petit peu flop-flop sur le plan du compas moral de l'histoire, quoi. Disons, à mon avis, c'est un compas moral pour nous qui est assez curieux, mais que je pense pas qu'il soit tout à fait non plus... hors, disons, de portée pour quelqu'un de l'époque. C'est simplement que nous, on a des notions tout à fait différentes de ce qu'est la responsabilité personnelle, de la façon dont tu peux te repentir d'une erreur, de la façon dont tu te racheter, et on a des notions de punition qui sont assez, disons, pas forcément universelles, mais qui sont quand même plus systématiques et qui n'ont pas de différence selon les circonstances. Si tu t'excuses, si ta victime de viol va te pardonner, c'est pas pour autant que la justice va le faire, tu vois. Oui. Alors que là, il y a des notions assez importantes de rétablissement de l'honneur par la pénitence, par la soumission à Arthur qui est l'autorité suprême. Arthur, c'est même si le coupable immédiat, et il y a aussi cette obsession, je pense, d'éviter les vengeances personnelles. Non, mais c'est ça, c'est que à mon avis, c'est quelque chose qui est pas artificiel, mais qui est volontairement fait parce que c'est la morale qui veut être transmise. C'est clairement pas ce qui se passe dans la réalité. C'est ça qui est important à dire. C'est pas ce qui se passe dans la réalité. Faut pas s'imaginer qu'au Moyen-Âge, ils sont tous en train de se dire là, quand il y a un crime ou un truc comme ça. Non, c'est pas ce qui se passe dans la réalité, mais c'est même pas ce qui se passe dans, par exemple, le Conte du Graal, justement. On voyait justement Gauvin dans le Conte du Graal qui disait voilà quel sort était réservé aux violeurs, même dans celle-ci ou dans d'autres, on va fréquemment les décapiter. Je pense que là, c'est vraiment une version plus normative, en fait. On essaie d'aller vers un... Et ça coïncide avec des processus qui durent tout le long du Moyen-Âge, mais d'affaiblissement du pouvoir seigneurial, par exemple. Oui. La fin des guerres privées, ça, c'est plus tardif en France, c'est début du XIVe siècle, fin du XIIIe. Et ce, malgré le fait que le cœur de l'histoire, ça reste une vengeance familiale, finalement. Oui, ça reste une vengeance familiale, mais c'est une vengeance familiale qui est légitime, parce que c'est une vengeance royale, et finalement, l'autorité de Perceval, elle est quelque part supérieure à celle d'Arthur, encore. Donc il y a c'est une vengeance un peu particulière parce qu'elle a aussi ce côté de la malédiction et du qu'elle arrive à quelqu'un chez qui tu arrives. Je pense pas que l'implication soit tout à fait présente dans la tête de Manessier autant qu'elle est dans la nôtre, mais ce double standard est effectivement non, c'est battant. C'est qu'il y a vraiment, et puis aussi il y a des degrés entre être un méchant, le pardonner et puis immédiatement les accepter à la table ronde, quoi. Ouais, non, ça c'est sûr. Donc ça, c'était la continuation de Manessier, qu'on appelle aussi la troisième continuation. J'ai vraiment aimé la lire, je la trouve assez intéressante, plusieurs épisodes sympas. Maintenant, il faut dire que les épisodes qui reprennent du Conte du Graal, il y en a eu plusieurs, justement, quand le cheval qui se transforme au signe de croix, quand il prend l'apparence de Blanchefleur, Lionel et Bohort aussi repris. Et je trouve qu'ils sont un peu moins bien. Genre, je trouvais que la scène de la quête du Graal, où justement, il y a le diable qui apparaissait à Perceval sous forme de femme, c'était intéressant parce qu'il y avait une dimension un peu allégorique qui disait « Oui, j'étais la dame de compagnie d'un puissant seigneur, et puis je suis devenue orgueilleuse, et puis il m'a chassée de sa maison. » Puis là, oh, c'est l'histoire de Satan, mais un petit peu déguisée, ouh !» Et puis là, c'est « Non, j'ai pris l'apparence de Blanchefleur. » C'est pas la dimension la plus intéressante, quoi. Je trouve ils reprennent ça parce que bof, c'est la mode, c'est ce que les jeunes aiment maintenant, mais ils s'engagent pas autant dans la logique derrière. Cela dit, ça collerait assez bien avec une continuation pour le fait de finir l'histoire pour un public aristocratique qui n'est pas forcément qui va pas forcément nécessairement reprendre les développements les plus à la mode dans le détail ou dans la façon la plus investie, ça c'est clair. C'est peut-être une adaptation aux mœurs du temps sans forcément y croire beaucoup derrière. Toujours est-il qu'il faut qu'on passe maintenant à la deuxième grande continuation qu'on va traiter aujourd'hui, qui est la quatrième par ordre chronologique sans doute, et dans le compute moderne, c'est celle de Gerbert qu'on va aborder après une petite pause musicale. We'll be right back. c'est le Magnificat de Carl Philipp Emanuel Bach, WQ215, c'est le chœur d'ouverture, Magnificat, Anima Mea Dominum. C'était joué par l'Académie für Alte Musik Berlin, le RIAS Kammerchor et Hans-Christoph Rademann à la direction. Et on va maintenant passer à la continuation de Gerber, qui s'ouvre exactement là où la précédente s'est ouverte, en fait, avec le rassemblement de l'épée. Mais sauf que là, on nous dit clairement que Perceval sait qu'il ne s'est pas passé quelque chose de... Il n'est pas entièrement heureux, là. On ouvre sur un ton un peu plus ambigu que Manessier, qui était très joyeux et tout était bien pour le meilleur des mondes. Je fais juste un petit mot sur la datation probable de la continuation par Gerber. Assez difficile à faire exactement, c'est-à-dire qu'on arrive toujours entre 1225, 1230, peut-être même un peu plus tard. Un des gros problèmes qu'on a, c'est que l'identification de Gerber se fait notamment parce qu'on sait qu'il a écrit notamment le roman de la Violette. Et on a des phrases qui sont très très proches, des expressions, des paragraphes, des enchaînements, des métaphores extrêmement proches de l'auteur, le style, tout semble indiquer ça. Le gros problème, c'est quand on date les deux, on se retrouve avec une période d'écriture très restreinte où il aurait écrit deux œuvres qui sont quand même assez longues. Et donc on se dit, est-ce qu'il a eu le temps d'écrire tout ça dans cette période ? Puis c'est un peu ça les problèmes qu'on a. Mais on est à peu près dans ces eaux-là. Je m'appuie en tout cas sur la discussion de Frédéric Lenain. Donc oui, Gerber ouvre et ferme là où on a été, donc c'est-à-dire que l'épée de Perceval est ressoudée, mais pas complètement, et Perceval se réconforte parce que le roi pêcheur lui donne quand même une accolade. Et ça va être exactement les mêmes mots qui vont ouvrir et fermer sa continuation, c'est-à-dire qu'il va avoir un set de lignes qui sera exactement le même, la fin de la deuxième continuation, qui va répéter à la fin avant d'enchaîner sur Manessier dans les manuscrits où il est. Perceval pose la question du Graal au roi pêcheur après avoir fait mal ressoudé l'épée. Il est rebuté à cause de son péché d'avoir laissé sa mère morte, assez explicitement. Et on lui dit justement qu'il reste une petite écrevure sur l'épée. Il va dormir. À minuit, il est réveillé par les 12 coups, a priori les 12 coups qui sonnent sur une horloge. Une grande clarté se fait et il entend un chant à la gloire de Dieu. Et il y a une énorme vision qui l'avertit du danger qui menace la maison de sa sœur, qu'il avait déjà parfois visitée, lui disant de se mettre en route le lendemain dès l'aube. Et il se réveille au milieu des champs, un peu comme Gauvin avait fait, hein, donc il se réveille pas dans le château. Il trouve un immense et magnifique, peut-être un manoir, mais en tout cas il trouve un énorme mur blanc et rouge, il veut y entrer, mais la porte est fermée, et il y a un petit guichet qu'on peut ouvrir pour venir guigner, mais personne lui répond. Et la musique qu'il entend est tellement belle que ça soulage toutes ses douleurs. Alors il se dit, mais j'ai envie d'entrer là-dedans, il frappe la porte, il sonne, personne ne bouge, il cogne la porte avec son épée, et elle se brise en deux morceaux. Là, pour cette transaction, il y a un vieillard qui doit avoir plus de 100 ans qui ouvre le guichet et qui lui dit « Eh ben, mon petit bonhomme, pour cette transgression que tu as fait là, tu vas devoir errer pour 7 ans supplémentaires. » Donc de manière assez méta, effectivement, Gerber nous dit « Non, non, ça va être 7 ans de plus. » Et donc à peu près le temps qu'on peut imaginer qu'il va faire errer Perceval avant qu'il puisse atteindre le Graal. Et il lui dit notamment que sa colère était l'œuvre du diable. Perceval supplie pour avoir droit d'entrer, il demande « Qu'est-ce que c'est que cet endroit, d'où ça vient, etc. » On ne lui répond pas. Il demande aussi s'il pourra réparer son épée, et on lui répond que seul son repentir pourra le sauver, et pour son épée, il devra aller à celui qui l'a faite. Il lui donne cependant un brief, donc une lettre en fait, qui est une sorte de talisman, qui préserve de la folie et de la déchéance s'il est posé ou porté sur la tête. Donc une espèce de... Bah alors, on parlait d'analyse juive, alors... C'est comment ça s'appelle en anglais ou en français le truc qui anime un golem, tu voulais dire, ou bien... Non, oui, plus ou moins. Le phylactère d'un golem. Je voulais parler de certains types de phylactères. Ou un téphilim, peut-être. Un téphilim. Ça me fait penser... C'est marrant, le terme bref. Bref, c'est en latin, c'est un... Au Moyen-Âge, ça désigne vraiment un bref. Une lettre, c'est un type d'acte, en fait, qui... authentifie une situation passée, en fait. C'est un acte descriptif qui décrit une histoire ou qui justifie quelque chose a posteriori, à l'opposé d'une charte qui est un acte performatif. Donc c'est finalement une protection à rétrospective plutôt que présence, qui est assez curieux comme usage du terme. Enfin bon, ça c'est donc, une subtilité du français médiéval que j'ignore. Mais ça a l'air d'une espèce de petit talisman. Mais c'est vraiment ce talisman un peu particulier, effectivement. Il va pouvoir l'utiliser dans pas si longtemps que ça. Là, il remarque, en partant de la nature où il s'est réveillé, que tout est que la nature était avancée à dévaster autour de lui quand il est passé là la veille, donc hier soir. Et maintenant, elle est replénie, reverdie, tout va bien. Il arrive dans un bled et la foule l'acclame, mais il comprend pas pourquoi. Et une demoiselle lui demande... Il lui dit, tu as posé la question du Graal, donc tu as déjà, ce que Gauvin avait déjà fait aussi, on lui dit, tu as à peu près commencé à résoudre le problème parce que tu as posé la question. Le soir, il est accoudé à une fenêtre et il voit une grande flamme bleue qui sort de la cheminée d'un manoir. Et il demande, elle dit que c'est là que vit un forgeron qui a fait 3 épées de sa vie et l'une d'elles lui a pris 1 an entier. et il sait que quand il la réparera, il mourra. Et c'est pourquoi il fait garder sa forge par deux serpents, donc deux dragons, nuit et jour, pour éviter justement que quelqu'un vienne lui demander de la réparer. Et ben ça tombe bien, parce que Perceval vient de casser son épée. Elle lui apprend aussi que le château s'appelle Côte-Oâtre et le manoir le lac. Parce que c'est vrai qu'on disait que Trébuchet, c'était un forgeron qui était sous le lac. Donc c'était pas très clair. Est-ce que c'était un forgeron féerique qui vient, on savait pas très bien. Perceval est tenté par la demoiselle qui vient dans son lit. Alors, Gerbert, si y a un truc que Gerbert déteste, c'est les jeunes demoiselles qui viennent vous tenter sexuellement. Alors que Manessier était quand même relativement chaste. Là, il y a beaucoup de sexe, mais présenté négativement. Genre, non, il faut pas ça. Elle vient le tenter. Et le narrateur nous dit que ce serait un grand péché qui l'écarterait encore plus du Graal. Genre, on nous précise bien, attention, Perceval va-t-il réussir à accomplir sa quête ou va-t-il céder au plaisir de la chair ? Et il refuse. Le lendemain, après la messe, bien sûr, Perceval va décapiter les deux serpents dans un combat acharné. Le forgeron reconnaît l'épée, il la répare et il dit « Je mourrai bientôt maintenant que je l'ai réparée ». Il dit aussi que Perceval a enduré de nombreux périls pour le Graal et qu'il doit bien être le meilleur chevalier, et on apprend qu'il s'appelle bien Trébuchet. Alors que Perceval part, il entend les cloches qui sonnent et qui annoncent sa mort, en fait. Donc il meurt immédiatement après. Il arrive au Mont Douloureux, qu'on avait vu dans la seconde continuation, qui est donc où il y a un pilier, où si vous n'êtes pas le meilleur chevalier du monde, vous ne pouvez pas accrocher votre monture sans devenir fou. C'est ce que Sagremor et Agravain ont essayé de faire, ils sont devenus fous, et ils ont pendu leurs deux jeunes amis, leurs deux copines, ils l'ont pendu aux arbres par leurs tresses. Après avoir été essayé de folie, ils ont commencé à se battre. Perceval se sert de son talisman pour les ramener à la raison, et ils sont ramenés à la raison, mais ils veulent quand même se battre contre lui. Donc ils se battent quand même contre lui, puis finalement il réussit à les battre, puis ils lui demandent pardon, puis ils disent pardon, on était un peu enflammés. Et après ça, ils se séparent. Perceval erre une semaine entière, et il arrive à la forêt de Carlion, où Arthur chasse, et il rencontre la cour. Il chasse à nouveau un cerf blanc. Hein. Mm-hmm. Il raconte à toute la cour qu'il fait la fête, son deuxième échec au château du Graal, donc c'est pas terrible, ça commence à faire deux échecs déjà, que se moque de lui, disant que s'il a pas réussi à réparer l'épée, c'est parce qu'il est pas assez bon forgeron. Donc que a l'air de prendre ça un peu littéralement, où il a l'air de pas voir qu'il y a une dimension allégorique ou, disons, symbolique au fait qu'il arrive pas à réparer l'épée. Et Perceval lui rappelle, dis-moi, mon petit bonhomme, si tu ferais bien de te rappeler quand je t'ai cassé la clavicule, parce que ça peut encore se produire. Maintenant qu'il est à la cour, il y a l'épisode du siège périlleux, qu'on avait déjà vu justement. On avait déjà vu notamment dans le Perceval en prose. Il n'était pas présent jusque-là hein, dans le narratif de Perceval. Non, mais on l'a vu dans d'autres textes arriens, puis là, il arrive. Perceval veut s'asseoir dessus, on lui dit non mais fais pas ça, parce qu'il y a déjà 6 chevaliers qui ont été engloutis par la terre. Perceval le fait, la terre est ressoudée, et puis les 6 sortent de terre. Et on leur demande, mais qu'est-ce que ça fait ? Parce que bah, c'était assez clair qu'ils étaient engloutis par des flammes et tout, bah, c'était l'enfer. Et ils ont des visions de l'enfer, et notamment un enfer qui est notamment destiné aux homosexuels. Alors là, Gerbert prend un petit détour pour nous dire que ils ont si je traduis un peu à la va-vite, et lui ont aussitôt conté qu'ils ont eu moult peine et mal, et que ceux qui sont déloyaux, qui aiment plus les jouvenceaux que les pucelles, sachez de ceci que ces merveilles, comme endurent sous la terre, en grande ardeur, seront au jour du jugement. Donc spécifiquement ceux qui aiment plus les jouvenceaux que les pucelles, donc les homosexuels, seront punis spécifiquement en enfer. C'est très vraiment très... Tu sens que le type a une dent contre les homosexuels, il y a des implications particulières, parce que ça arrive vraiment de nulle part, c'est même pas genre, c'est pas dans une allégorie compliquée, ou c'est juste vraiment, qu'est-ce qui s'est passé ? Oh, tout le monde est très pécheur, surtout les hommes qui préfèrent coucher avec des puceaux. Peut-être qu'il a une expérience de la vie, je connais pas la vie très bien de Gerbert de Montreuil, peut-être qu'il a une expérience de la vie monastique, où ça commence à être justement un très gros souci aussi. Mais donc, il y a une obsession de Gerbert contre le vilain sexe, et puis ça fait partie du vilain sexe. C'est intéressant que ce soit explicite, parce que d'ailleurs il y a un autre personnage qui est appelé un tyran sodomiste, mais c'est pas sodomite, mais ça veut dire hérétique en fait, mais il est appelé tyran sodomiste, que je trouve assez drôle. Un épisode ensuite, c'est un fiancé inconstant qui est forcé au mariage. Alors là, Gerbert se présente du côté du mariage forcé. Faut expliquer le contexte. Il y a une dame qui cherche une demoiselle qui cherche un vengeur, parce que quelqu'un lui avait fait des promesses de mariage mais ne les avait pas tenues. Et du coup, elle veut le forcer à l'épouser, en fait. Est-ce que Perceval va faire, alors que le type est sur le point de se marier avec la fille du comte de Cornouailles, ce qui laisse entendre que peut-être il s'est laissé détourner de son mariage qu'il avait promis pour un mariage d'intérêt. Et au moment du mariage, est-ce que quelqu'un a quelque chose à s'y opposer ? Il y a Perceval qui débarque, je m'y oppose. Et il le combat, ce qui est difficile car il est très bien bâti apparemment, mais il le vainc et puis il l'envoie à la cour d'Arthur. Et bah, il le force à épouser la dame. Il va y avoir une scène un peu symétrique où il y a un chevalier qui essaie de forcer une dame à l'épouser, puis Perceval va aussi lui casser la gueule. Donc là, l'idée, c'est plus qu'il veut forcer quelqu'un à être fidèle à sa promesse. Il s'endort dans une chapelle où il a prié la Vierge Marie. Perceval donc, et il a une vision d'une très belle femme sur une mule noire, c'est pas très bon ça, et qu'il invite à coucher avec elle. Elle se fait passer pour la fille du roi pêcheur et elle dit « Si tu couches avec moi, tu connaîtras le secret du Graal. » Donc ça, c'est aussi une scène très moderne, donc justement des femmes tentatrices très... Ça m'a fait penser à la scène justement qu'il y a dans Excalibur avec Morgane qui essaie de détourner Perceval de la voix. Et là, en fait, le narrateur nous dit que Perceval échouerait dans sa quête. Le narrateur veut vraiment qu'on prenne pas de risque. Il nous dit explicitement les dangers que Perceval affronte. Et c'est en fait le diable. Et quand Perceval fait le signe de croix, il disparaît dans une grande tempête. Là, on a quelques aventures de Perceval auprès de sa sœur. Ils visitent ensemble notamment la tombe de leur mère, parce qu'il avait été averti dans une vision que le domaine était menacé, donc il la rejoint. Un prêtre fait un sermon, notamment il dit que l'épée a deux tranchants, un pour défendre la justice terrienne et l'autre pour défendre l'église. Donc là, voilà, le prêtre il nous dit qu'il ne faut pas seulement défendre les gens, il faut aussi défendre l'église. Après une semaine, Perceval veut repartir, et sa sœur décide de l'accompagner. Elle dit bah, « tiens, je vais venir avec toi », alors que les serviteurs se lamentent de ce départ, parce que bah, depuis la mort de leurs parents et de ses frères, et que Perceval était parti, bah, c'était elle qui régnait sur le domaine. Un chevalier, on apprend après que c'est Mordred, veut kidnapper sa sœur, Perceval le bat, l'autre dame qui l'en... et il libère l'autre dame qui l'emmenait, et il envoie Mordred se faire prisonnier chez Arthur, puis on dit qu'il reconnaît que c'est Mordred, donc ça introduit aussi le personnage de Mordred. Perceval arrive avec sa sœur au château des Pucelles, encore un, ils sortent d'un combat tout cabossé contre un méchant bonhomme, et il doit être guéri par la dame du château, qui s'appelle apparemment Philosophine, et qui est la cousine de sa mère. Elle lui applique un baume des trois maris, elle raconte, donc ce qui est attribué à Marie-Madeleine, la Vierge Marie, etc., qui aurait des vertus miraculeuses, elle raconte qu'avec leur mère, elle a aidé à amener le Graal depuis l'Orient, mais qu'il a été perdu à cause des péchés des hommes et confié au roi pêcheur par des anges. Donc de nouveau on a cette espèce de compression où bah, en fait le Graal a été amené une génération avant parce que... Ouais, c'est comme c'est vraiment cette proximité très forte qu'il y a avec comparé à Robert de Boron où c'est vraiment quelque chose de plus séculaire quand même, enfin en plusieurs générations en tout cas, là c'est vraiment ultra compressé. Et d'ailleurs il y a une vieille dame avec elle qui est donc plus ou moins, je l'ai dit avant, mais qui est plus ou moins il y a un genre d'indice que en fait c'est la mère de Jean le Baptiste, ce qui est assez curieux en fait. Oui c'est... Enfin, on ne s'est pas explicitement dit, on dit qu'il y a une dame et que vous seriez très surpris d'apprendre qui elle est, et puis à la fin on dit ah elle s'appelle Isabeau, Perceval pleure en l'apprenant, donc c'est probablement quelque chose que c'est biblique en tout cas. Perceval pleure devant tant de christianisme, et depuis en fait elle reste avec toutes ces dames vierges dans ce château, et d'ailleurs elle dit que ce serait un péché si la sœur de Perceval continue à faire route avec lui. C'est pas très approprié, et donc elle devrait rester au château, et Perceval la quitte avec quand même une certaine émotion. Il la laisse dans ce château avec toutes ces dames vierges qui restent là à être vierges. Il y a vraiment une, je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais on est obligé de le reconnaître, il y a une espèce de volonté de ok les dames, vous devez arrêter d'avoir du sexe, vous devez aller vous faire enfermer dans des châteaux de dames vierges qui restent pures et clean et tout. Un autre épisode suit où on va en fait suivre, quitter Perceval puis suivre Mordred à la cour. On va aussi arriver Faradin, qui était le marié, enfin le fiancé inconstant qui avait renié ses promesses de mariage et qui bah, débarque à la cour. Il y a une grand-messe avec les archevêques de Carlion et d'Orient. Un chevalier en armes dorées arrive à la cour et demande à ce qu'on l'affronte. Girflay y va d'abord, mais il est vaincu. D'ailleurs, bien joué, une des rares choses que Girflay fait dans la légende arthurienne d'ailleurs. Il est vaincu, tout comme Lancelot et Yvain, et seul Gauvain parvient à avoir le dessus. On apprend que c'est Tristan, vainqueur, donc là on raccorde avec le cycle de Tristan et Iseult, donc c'est pas plus mal qu'on ait fait cet épisode un peu plus tard, parce qu'on a quand même beaucoup à raccorder. Tristan, le vainqueur du Morholt, qui conquit la belle Iseult, et qui depuis son bannissement ne portait que des armes dorées apparemment. Alors Tristan joue à la bagarre avec Gauvain et il devient... c'est un bon chasseur, c'est un chouette pote, les jeux de table, il est fort... C'est un modèle chevaleresque un peu différent à la fois de Gauvain et de Perceval, en fait. Il représente un troisième idéal qui est plutôt proche de Lancelot, en fait, mais Lancelot n'est pas du tout... Et Lancelot est très transparent dans ses continuations, il apparaît quasiment pas. Il apparaît un petit peu, mais vraiment, c'est très superficiel. Là, c'est vraiment lui qui a ce rôle de chevalier courtois, mais plutôt plaisant à la cour. De bon vivant, sociable. Alors que Gauvain est un peu plus brutal, c'est un bon chevalier, mais il est un peu plus violent et plus... Gauvain est réputé pour sa courtoisie et sa prouesse. Perceval, c'est quelque chose de plus physique, voilà. Alors que Gauvain, Tristan fait l'emphase sur les jeux de cour, le rôle de courtisan plus que le rôle de chevalier apprécié des dames, alors que Perceval est un chevalier mystique quasiment. Il y a une différence dans les rôles qui est assez intéressante là, la façon dont il est présenté, je trouve. Après, c'est quelque chose qui est aussi absorbé par Gauvin, hein, cela dit, en anglais notamment. Mais notamment, c'est bien que je dis ça parce que c'est l'épisode qu'on appelle l'épisode du Tristan Ménestrel, et c'est pas pour rien parce que justement, ça a des éléments communs avec les folies Tristan qu'on a vues où Tristan retrouve Iseu alors qu'il est fou. Là, il veut revoir Iseu, il se languit d'elle malgré sa présence à la cour, et il veut aller en Cornouailles avec 12 hommes, que Cligès, notamment Cligès d'ailleurs, salut, ça fait longtemps qu'on l'avait pas vu, Yvain, Lancelot, vraiment là. Il y a beaucoup de références chez Gerbert à d'autres, non seulement aux précédentes continuations, à Chrétien, mais aussi aux autres œuvres de Chrétien. Oui, donc c'est pas surprenant pour moi, mais effectivement c'est... Puis bah aussi là on raccorde avec le cycle de Tristan et Iseu, donc on a encore, on est vraiment dans très... Oui, c'est vraiment quelque chose de très crossover presque. Puis donc leur idée c'est qu'ils vont tous se déguiser en ménestrels, donc plutôt des jongleurs, acrobates, chanteurs, voilà, des espèces de belles troupes de saltimbanques, pour aller en Cornouailles passer inaperçus. Ils vont jouer à la cour de Marc, qui prépare un tournoi contre le roi des 100 chevaliers, ben tiens, encore lui. Et ils obtiennent par leur musique, alors là j'ai pas compris pourquoi, mais ils obtiennent par leur musique le privilège de garder sa tour. Donc apparemment, leur plan marche presque trop bien par rapport à ce qu'ils attendaient. Tristan débarque avec les autres ménestrels à la cour, il est vêtu de rouge, il a les cheveux en désordre et il ferme un œil. Et puis donc on est là, bah, c'est un borgne, alors ça peut pas être Tristan, personne ne le reconnaît apparemment. Marc rassemble son équipe, bon, notamment... pour le tournoi, et il est inquiet des revers qu'il subit le premier jour. Lors du souper, Tristan chante le lait du chèvrefeuille, donc qu'on avait a priori celui de Marie de France, et Iseu croit reconnaître sa voix. J'en ai des moments où elle croit, on dirait Tristan, ou elle croit reconnaître sa voix, puis elle se dit, ah non, il a un œil en moins, parce qu'il tient son œil fermé, donc ça doit pas être lui. Elle sait pas quoi penser, et à un moment, elle commence à s'énerver parce qu'elle se dit, ah mais c'était notre chanson, rien qu'à nous, et puis Tristan l'aurait apprise à quelqu'un d'autre. Donc elle oscille entre reconnaître Tristan, puis se dire, ah, Tristan a appris notre chanson à quelqu'un qui lui ressemble vaguement, mais qui est borgne. En fin de soirée, elle le reconnaît enfin, et le lendemain, ils sont en train de batifoler dans la chambre de la reine, jusqu'à ce que Marc soit en train de perdre le tournoi, et que Gauvin appelle les autres chevaliers ménestrels à l'aide, donc notamment Tristan, ce qui fournit une défaite assez humiliante pour le camp adverse, parce que là on est en train de se faire bolosser par des ménestrels, alors qu'il y a des meilleurs chevaliers du monde qui sont déguisés en acrobates et en chanteurs et en jongleurs, ouais, c'est vrai que multicolores. Et donc, et puis avec leur leader borgne aussi, c'est très très, ouais, très crédible. Du coup ils réussissent à battre Marc. Perceval débarque après 40 jours de... On dit que ça fait 40 jours qu'il est en train de chercher le Graal de façon infructueuse, que se moque de lui. Il veut notamment lui prendre son cheval, je crois. Perceval se dit non, mais je veux pas, parce qu'il a une rosse toute... Il est tout cabossé, sa rosse est en mauvais état, son cheval est en mauvais état. Perceval vole le cheval de queue. Il affronte ensuite Tristan, Lancelot, Yvain et Gauvin. Et c'est seulement avec Gauvin que Gauvin lui dit, hey, Perceval, c'est moi, que Perceval le reconnaisse, calme. Dans la liesse générale, notamment en fait, il perturbe le tournoi parce qu'il arrive et puis il commence à battre tout le monde. Et notamment, les deux camps finissent par à peu près à s'allier contre Perceval, genre parce qu'ils se disent ce chevalier est trop fort pour tout le monde. Mais du coup, tout le monde est content, le tournoi se finit bien. Et tout le monde est tellement content que Gauvin obtient de Marc qu'il se réconcilie avec Tristan. Il dit, vous pourrez peut-être accepter votre neveu à la cour, ce qu'il accepte s'il ne va plus dans la chambre d'Iseu. Donc il peut revenir à la cour, mais par contre, il n'aura plus le droit de passer du temps en privé avec la reine. Et. Alors qu'ils sont en chemin à une chapelle, Perceval va quitter la compagnie pour repartir sur la quête du Graal, et Gauvin les quitte aussi pour partir au puits de Montesclair. Donc ça, c'est quelque chose qui, depuis le conte du Graal, Gauvin est censé faire, il est censé aller à Montesclair, et là, il y va. Arthur s'inquiète pour son neveu, parce que les autres arrivent à la cour et lui disent que Gauvin y va, Arthur est inquiet, mais l'histoire revient à Perceval. Là, il y a un épisode qui a des points communs avec, je trouve, le Pérédir, c'est que Perceval va retrouver Gornement de Goro. Et donc, mais, ce qui est très intéressant chez Gerbert, c'est justement, il conclut pas beaucoup d'histoires, mais on revoit beaucoup de choses. On revoit beaucoup de personnages. On a revu Gornement de Goro. Il veut montrer qu'il a bien fait son travail. On va vous rappeler peut-être du Chevalier Vermeil que Perceval a tué. On va le revoir, ça va. Et honnêtement, j'avais fait une BD où j'avais intégré des trucs arthuriens et puis Samurai Jack, parce que voilà, puis je trouvais qu'il y avait un ton similaire. Gerbert de montrer un côté très, très Samurai Jack. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses où l'histoire va pas tant avancer que ça, mais... on va te faire quand même te dire « Ah, tu te rappelles de cette histoire-là » Et c'est pas d'une manière qui me semble forcée, mais vraiment, on va te rappeler, on va revoir des choses, on va développer des choses, certaines choses. D'ailleurs, je trouve bien, notamment son traitement du chevalier vermeil. En l'occurrence, ils voient un chevalier qui est percé de 4 épieux et qui est transporté par ses 4 fils, et ils sont au bout de leur vie, ils sont au bout de leur force parce qu'ils sont harcelés par 40 chevaliers qui reviennent chaque jour. C'est-à-dire que chaque jour, ils combattent ces 40 chevaliers, et le lendemain, ils les tuent tous, et le lendemain, ils reviennent. Et là, ils disent... on est au bout de notre vie et vous devriez partir parce que demain, on va probablement mourir et on va pas pouvoir vous défendre ou quoi que ce soit. Et il reconnaît Gornement de Goro, qui est celui qui a fait son éducation chevaleresque. Il dit Gornument, je crois, dans le manuscrit. Le lendemain matin, Gornement lui conseille de se marier avec Blanchefleur parce qu'il lui dit « Bon, t'as abandonné ta mère, mais le fait que tu te sois pas marié avec Blanchefleur, c'était un péché supplémentaire. » Donc là, je vous ai dit, le côté, l'idéologie de la chasteté chez Gerbert, elle pointe aussi son nez. Péché supplémentaire, tu n'es pas marié. Et il va y avoir plus tard le mariage de Perceval avec Blanchefleur. Perceval accompagne les fils de Gornement au combat et ils arrivent à battre les 40 chevaliers. Les fils Goro lui disent « Abandonne ». Demain, ils reviendront et on n'arrivera pas à y survivre. Perceval décide de rester dehors la nuit pour les observer, pour savoir comment est-ce qu'ils vont revenir. Il réussit parce qu'il voit une vieille femme qui les ressuscite en leur frottant un filtre qui avait servi au Christ dans son tombeau, apparemment. Donc elle a juste... This old lady has one weird trick to... Je sais pas, c'est vraiment... C'est presque hérétique comme idée, genre « Ah oui, Jésus a ressuscité avec un baume !» Ok. Puis elle les frotte avec ce filtre. Perceval se jette sur elle et elle lui déclare que jamais il ne connaîtra le secret du Graal, car le roi de la Gaste-Chité, le gars de la race Chité, un tyran sodomiste, a ordonné qu'elle se retire dans les montagnes pour l'aider à détruire Gornement. Ce roi accuse Gornement d'avoir armé chevalier un jeune homme capable de vaincre les forces du mal, qui ensuite conspirèrent pour empêcher sa quête. Donc là, on nous dit que justement il y a des espèces de forces démoniaques dont cette dame fait partie pour empêcher Perceval d'y arriver. Perceval l'a décapité parce qu'il veut pas en entendre plus, ce qui est peut-être pas un bon calcul, peut-être qu'il aurait dû écouter un peu plus, ça avait l'air intéressant. Mais il la décapite. Elle avait eu le temps de ressusciter 6, qui avait eu le temps de tuer le cheval de Perceval. Il tue les ennemis, il ressuscite son cheval avec Longan, donc il arrive à ressusciter son cheval, et il décide de le tester sur un ennemi, le pire des ennemis qu'il y avait. Il dit vraiment ça, tiens, c'est marrant, ça marche encore. Est-ce que ça marche encore? Tu viens de le voir, mais pourtant, il veut, de nouveau, très expérimental, très rationnel, il veut le retester, donc il ressuscite le pire ennemi, voilà. Et il le tue à nouveau. Perceval, héros esthétique. Et puis, il se soigne avec, parce que, voilà, et il rentre au château, soigner Gornement et ses fils, et festoyer un peu, s'endormant au son du lait Goron. Le lait Goron, je ne sais plus exactement ce que c'est, mais apparemment, il écoute un lait. Donc de nouveau probablement une référence justement plein de références culturelles, c'est un vrai geek Gerbert de Montreuil. Oui c'est ça, il y a ce côté vraiment interconnecté, il te met une petite référence à Tristan et Iseut, il y a le lait du chef enfant, il suggère que c'est le lait de Giron Bryant, donc c'est un lait que Iseut compose dans le Tristan de Thomas. Un lait d'amour triste, mais c'est peut-être juste une allusion effectivement en passant. J'aime beaucoup parce que l'édition de Frédéric Lenon n'a pas de traduction, mais il y a des titres en haut des pages. Et puis le titre de cet épisode, c'est « Perceval réveille un mort et le tue !» Point d'exclamation. Et ça fait très tagline de vieux films ou de je sais pas. Je disais que ça ressemble au Pérédur parce que Perceval, vous rappelez dans le Pérédur, Perceval est opposé à des sorcières, les sorcières de Gloucester. Et là, elle reconnaît Perceval comme celui qui est destiné à la vaincre et les forces du mal. Et pareil, dans le Pérédur, les sorcières savent que Pérédur sera leur père. Sauf qu'il y a une drôle de combo dans le Pérédur. Les sorcières entraînent Perceval. Oui, aussi. Donc, les sorcières ont le rôle de Gornement dans. Donc là, il y a une espèce de. Je vois une espèce de schéma, là, Lévi-Strauss, voilà, Dumézil dans ma tête qui commence à se faire entre Gornement, éducation chevaleresque, sorcière. Ou alors, ce qui est peut-être plus probable, vu que le Pérédur, comme les romances galloises, sont des adaptations en partie des légendes, des versions de chrétiens, c'est aussi possible, très possible même que l'auteur du Pérédur soit tombé sur un manuscrit de chrétien qui contient la troisième continuation. Bah là, c'est la quatrième, elle est assez rare, donc ça devient un peu difficile. La troisième et la quatrième continuation. Pardon, oui, la quatrième continuation, effectivement, dans l'ordre. Mais, et aussi... Peut-être, mais peut-être qu'il y a des manuscrits qui n'ont pas survécu, peut-être que sa version se finissait avec avec cette continuation de Gerbert comme troisième continuation, ce que j'entends. Je crois que la similarité ne s'arrête pas à cette sorcière, c'est que vous vous rappelez que dans le Pérédur, il y a aussi des personnages qui meurent et qu'on ressuscite chaque jour. La cour des enfants du roi des souffrances, ils sont tués par un Adank, qui est donc une espèce de dragon serpent, chaque jour, et puis ils sont ramenés sur un cheval. Ils sont revivifiés après un bain dans une cuve d'eau chaude et l'application d'un onguent précieux. Et donc Perceval arrive à la cour et on nous dit chaque jour ils sont tués et ressuscités. Donc pour moi là il y a peut-être qu'il y a quelque chose, une source commune ou une influence ici. Ou alors ouais bêtement c'est possible qu'il y ait eu une copie de cette condition, même si on n'en a pas qui survivent en Angleterre ou au Pays de Galles, qui soit arrivé dans les mains de l'auteur du Pérédur. En tout cas, j'aime beaucoup ça. Puis certains vont connecter cet onguent au fait qu'on a effectivement, quand on parlait des récipients miraculeux, vous vous rappelez notre épisode sur le conte du Graal, récipients miraculeux des légendes galloises qui peuvent être à la source du Graal, il y en avait certains justement qui servaient à ressusciter des gens, des espèces de cuves où on mettait les guerriers morts et puis ils ressortaient super guillerets. Donc peut-être là, on a une espèce de version de bruit parasite de légendes galloises qui est venue se glisser là. Ensuite, maintenant qu'il a fait ça, sur les conseils de son maître, il va aller épouser Blanchefleur. Donc c'est un passage très chaste. Perceval et les fils de Gornement et Gornement se rendent à Bourg-Père. Bien sûr que Gornement vient, parce que vous vous rappelez, Blanchefleur est, je crois, est liée à lui, elle a sa nièce ou sa cousine, chargée des barils de l'onguent miraculeux, donc il a quand même cet onguent miraculeux dont il va faire bon usage. Perceval veut épouser Blanchefleur, les barons acceptent, 6 lits sont préparés, donc pour les visiteurs, et aiguillonné par le désir, Blanchefleur rejoint Perceval dans son lit, mais ils ne couchent pas ensemble. Le lendemain, ils sont mariés par l'archevêque de Landemeur. Et durant la nuit de noces, malgré le fait que le lit a été béni par plusieurs archevêques, donc là c'est super legit de coucher ensemble, ils ont été triple bénis, triple mariés, bah, les deux époux ont peur de perdre leur virginité. Alors ils s'agenouillent en prière, tournés vers l'Orient, et durant la nuit, une voix annonce que de la lignée de Perceval naîtra une jeune fille, dont un enfant se changera en oiseau, et son frère aîné épousera une femme dont les 3 enfants conquerront Jérusalem. Alors c'est un petit peu byzantin comme ça, quand on le dit comme ça, mais en fait, ça dit basiquement que la lignée de Perceval aboutira à Godefroy de Bouillon et ses frères qui vont conquérir Jérusalem avec le Saint-Sépulcre et la vraie croix. Quant à Perceval, il devra continuer sa quête. Le lendemain, Perceval laisse Gornement comme gouverneur. Bah, Blanchefleur ne peut pas gouverner toute seule, donc voilà, il laisse Gornement comme gouverneur et il reprend la route après des adieux très larmoyants. C'est d'ailleurs la fin ici du tome 2 de l'édition Williams, donc si en 1925 vous lisiez ça et que vous vouliez avoir le troisième tome, bah, vous alliez attendre 50 ans. Suivent d'autres aventures. Perceval défend une femme qui est bastonnée par un vil chevalier qui s'appelle Dragoniax le Cruel. Donc honnêtement, en termes de nom de méchant chevalier, c'est plutôt, il est bien fourni. Franchement, tous les noms de la construction de Java sont absolument géniaux. Pendant le tournoi de Tristan, il y a un chevalier qui s'appelle comment il s'appelle déjà, il a un nom, ça m'a fait hurler de rire. Ah oui, voilà, Estorgan. Bien sûr, Recep Tayyip Estorgan. ça m'a fait hurler. Les noms dans Java sont tous très, très, très bien. Et je veux dire, Dragoniax le Cruel, c'est sans doute le meilleur. Il a. Ils veulent forcer cette femme bastonnée à l'épouser. Oui. En plus, il avait enlevé son ami. Il l'avait enlevé à son ami. C'est ça, il avait. Perceval la défend, et puis le type jure sur un livre de psaumes de ne plus importuner les femmes ou de les kidnapper. Il est envoyé à la cour d'Arthur. Yada. Il retrouve l'ami de la dame qui est mourant, c'est-à-dire qu'elle dit il a tabassé mon ami, il doit être par là, donc il retrouve le type alors qu'il est en train de mourir. Perceval l'envoie à Bourg-Père où il sera guéri par Blanchefleur avec leur onguent miraculeux qu'ils ont volé à la sorcière. Donc maintenant, elle a la loophole dans toute la. Elle a une espèce de stock de d'onguents ressuscitants. Perceval arrive dans une ville où les chevaliers sont dépouillés s'ils affrontent pas 4 chevaliers le seigneur du lieu. Bon, vous devinez, il les bat. Perceval trouve une croix qui indique d'un côté une voie qui est la voie de la sécurité et la voie aventureuse. Bon, c'est pas dit aussi explicitement, mais ça dit là, il y a une voie chiante, sûre, et puis là, il y a des aventures. The route last traveled by. Et non, en vrai. Et Perceval suit cette dernière, et après une semaine de faim et de soif dans un pays désert, il n'y a rien à manger ou à boire. Il rencontre 2 femmes pleurantes qui traînent derrière elles un chevalier dont les jambes sont gravement brûlées, et personne répond à ses questions. Il s'agit en fait du chevalier au dragon. On l'avait aussi vu dans le Père Lesvos, un chevalier qui avait un bouclier, qui avait un dragon dessus, et le dragon sur le bouclier crache du feu. Et là, en l'occurrence, c'est à la suite d'un pacte démoniaque qu'il a obtenu ce bouclier. Avant ça, il y a la scène de la bête glatissante qu'on trouvait aussi dans le Père Lesvos. Donc là, on voit énormément de parallèles avec beaucoup d'autres œuvres. Oui, en fait, il y a cette espèce de foreshadowing juste avant la scène de la bête glatissante. C'est quand même bien amené, cette introduction d'éléments du Père Lesvos. Et donc, il trouve 2 ermites, un qui vénère la croix, puis un qui la flagelle, et ils se demandent, tiens, qu'est-ce que c'est? Et puis, il y a une bête qui débarque, qui est décrite un peu bizarrement, puis elle a des chiots dans le ventre. Et puis, il s'empare aussi de l'écu à la croix vermée, donc il y a une dame qui a l'écu autour du cou, puis il dit, si, puis quelqu'un me le prend, il va se flageller par 1000 pierres, des tourments vont s'abattre sur lui, parce que seul celui qui peut le prendre, c'est le meilleur chevalier du monde. Perceval y arrive, c'est un écu à la croix rouge, donc de nouveau, encore un lien avec. Ils ont le lien pas très subtil avec l'idée de croisade, et puis un morceau de la vraie croix dedans, en plus, donc double croix. Et il va chez Elias le roi ermite, qui est son oncle, donc c'est son oncle ermite qu'il a théoriquement déjà vu, mais là c'est pas vraiment mentionné qu'ils sont déjà vus. Il lui explique les épisodes précédents. Les prêtres qui flagellent ou honorent la croix sont une représentation du tourment et de l'adoration du Christ sur la croix. Bon, ça c'est pas très compliqué. La bête est en fait une image de l'église, et ça, j'adore. La bête, les chiots qui sont dans le ventre de la bête sont comme les fidèles qui se tiennent mal pendant l'office et qui ruinent les efforts du prêtre. Donc littéralement, les chiots représentent. Ouais, c'est une grande inquiétude au XIIIe siècle, au XIVe siècle. Les chiots dans le ventre de la bête représentent les fidèles qui parlent pendant la messe. Il y a un démon, Tutivilus, qui notamment au Moyen-Âge, est censée recueillir les ragots que les gens se racontent pendant la messe pour les envoyer en enfer. Je te jure, c'est une préoccupation particulière, hein, le dérangement pendant la messe. Mais donc, on a une occurrence de cette espèce de bête glatissante, qui est donc une espèce de bête un peu bizarre, puis elle a un bruit, elle glatit parce qu'elle a des espèces de bestioles dans le ventre, puis elle se fait dévorer par eux, généralement. Enfin, le roi ermite lui dit qu'il est son oncle, et que s'il suit ses conseils, il pourra obtenir le Graal. Il est tenté notamment, enfin, il y a la fille du roi ermite qui a très envie de coucher avec lui, je sais pas s'il est explicitement tenté par elle, mais disons, il y a justement une femme qui est consumée de désir, horrible, une femme avec du désir sexuel affreux. Et le lendemain, il oublie de demander aux ermites d'où vient le bouclier à la croix, ou bien qui était le chevalier qu'il a vu aux jambes brûlées. Donc, je tiens à dire, c'est très marrant de lire des résumés, parce qu'à la base, j'ai lu le résumé de Poitevin, et du coup, le résumé de Poitevin, ça fait Perceval voit un panneau qui indique la voie de la sécurité, la voie aventureuse, il va dans la voie aventureuse et il rencontre un chevalier brûlé. Puis du coup, j'imaginais qu'il va rencontrer un chevalier intégralement en feu, en train de courir. Et en fait, non, c'est juste un grand brûlé. Il rencontre d'ailleurs un autre de ces grands brûlés sur une civière qui est tirée par une demoiselle qui porte ses vêtements à l'envers. On l'appelle la demoiselle au drap à l'envers parce qu'elle porte son drap à l'envers. Il apprend que le coupable est le chevalier au dragon, qui est un seigneur des îles de mer. C'est intéressant que Gerbert ait vraiment, comme Manessier avait choisi un Arides d'Escavalon comme adversaire, là on a un seigneur des îles de mer. Donc cette opposition entre Perceval et Arthur et les seigneurs d'Escavalon, les seigneurs des îles de mer persiste ici. C'est assez intéressant. Bon, ils l'ont reprise là, mais c'est intéressant qu'elle persiste comme ça. Les îles de mer, il les a peuplées apparemment par une gente, donc un peuple qui ne croit pas en Dieu, qui sont donnés au diable, et puis c'est comme ça qu'il a obtenu son super dragon incrusté. Il assiège bien sûr la pucelle au cercle d'or, dans le château de Montesclair. Ah ben tiens, c'est là que Gauvin devait aller. Toute la région est affamée, et puis d'ailleurs cette dame hésite à se suicider, jusqu'à ce que, elle voit Perceval. Et la dame aux vêtements à l'envers lui dit de faire le signe de la croix quand il sera devant le chevalier au dragon, pour le battre. Et sur son conseil, il sonne une cloche accrochée à un arbre qui indique l'arrivée d'un défenseur des assiégés. Donc il y a une espèce de cloche pour sonner quand vous venez défendre le château assiégé. L'écu à la croix rouge préserve Perceval des flammes, mais il est volé par une dame. Je crois qu'il devra le récupérer après. Il arrive cependant à voir le dessus, et le chevalier au dragon est vaincu et se confesse avant de mourir. Donc il y a vraiment une contrition chez Gerbert. C'est-à-dire que là, on avait chopé un de ces kidnappeurs violeurs, on lui fait prêter serment sur les psaumes de plus jamais le faire. Le chevalier au dragon est vaincu, il meurt. Déjà, voilà, il est puni par la peine de mort, mais en plus, il se confesse sur son lit de mort. La demoiselle au drap en verre qui traînait son ami sur une civière, qui était brûlée par le dragon du chevalier au dragon, elle le fait inhumer dans l'abbaye de Montesclair et puis elle va finir ses jours dans un ermitage. Ah bah voilà, ça c'est bien chaste, bien comme il faut, bien mortel Arthur. Bien comme il faut, et puis donc voilà, elle peut enfin inhumer son ami. Il rencontre scène qui vient 100% du Lancelot Graal, de la quête de la Saint Graal. Perceval arrive dans une chapelle et derrière une grille, il trouve Mordrin qui est alité sous un drap, donc c'est exactement comme dans la quest. On donne la messe et qu'au moment de lui donner l'hostie pendant l'Eucharistie, Perceval voit qu'il est couvert de plaies. Et il demande, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Et il demande au prêtre, l'officiant lui raconte l'histoire de Joseph d'Arimathie qui avait amené le Graal en Bretagne avec une soixantaine de personnes et deux femmes, porteuses de la lance et du tailloir. Evalac s'était converti et avait pris le nom de baptême de Mordrin. Il avait vaincu Tolomère, donc là on est toujours dans le Lancelot Graal, dans la quest, ce que développera l'histoire d'El Saint Graal. Et il apprend que Joseph a été emprisonné par le païen Crudel, il lève une armée pour le combattre, et il parvient même s'il est couvert de blessures. Mais quand il veut approcher le Graal, il n'en est pas digne, et il est frappé de malédiction par un ange qui dit qu'il gardera toutes ses plaies jusqu'au jour où un chevalier viendra le délivrer. Dans la quest d'El Saint Graal, Galahad le libère immédiatement, mais là, comme Perceval n'a pas réussi à conquérir la lance et le Graal encore, il doit le laisser souffrir, comme ça. Et il va même pas vraiment le résoudre, parce que Gerbert conclut pas vraiment, donc c'est assez triste pour Mordrin. Son tourment va continuer. J'ai une édition du Perceval qui était notamment celle que j'avais vu que des lycéens l'avaient, parce que le paillot qu'on a chez nous, il y a les lycées et les collèges qui parfois font des commandes de groupe pour leurs élèves, et puis du coup je l'ai vu régulièrement au programme dans cette édition là de poche. Cette édition, elle a des extraits, des continuations à la fin qui sont un petit peu piochés parmi, et l'extrait qu'ils ont choisi au dos, c'est cet extrait là donc Perceval qui rencontre Mordrin, ce qui est triste parce que c'est vraiment pas représentatif des continuations ni de Perceval. Je veux dire, c'est un extrait d'une continuation très minoritaire qui pique un épisode du Lancelot Graal, et puis c'est ça que tu vas mettre au dos comme citation, que Mordrin attend d'être libéré par un chevalier, et ils mettent ça, et surtout d'ailleurs Perceval ne le libère pas parce qu'il n'a pas encore accompli le Graal. Donc c'est un peu petite parenthèse, mais assez révélatrice. Là, il y a un de mes épisodes préférés de cette continuation. Perceval arrive dans un château où tous les créneaux, toutes les fenêtres sont couvertes d'écus, donc des écus de chevaliers différents. Donc on se dit, généralement c'est pas très bon signe, parce que autant d'écus qui sont pas portés par des gens vivants, pas terrible. Un signe, il y avait amené un huchel, donc c'est une espèce de coffre qui est tiré par une chaîne, deux chandeliers qui se consument dessus. Et apparemment, personne n'a réussi à l'ouvrir. Donc là, on pense un petit peu à la première continuation. Vous savez, il y avait une barque tirée par un cygne qui amenait le corps d'un chevalier mort. Même Gauvin n'a pas réussi et il est resté emprisonné ici. Perceval arrive à l'ouvrir, vous étonnez pas, et on découvre qu'il s'agit d'un chevalier mort qui a l'œil transpercé par un javelot. Alors ça vous rappelle peut-être quelque chose. Et on apprend que c'est donc en fait le chevalier vermeil tué jadis par Perceval avant d'être adoubé dans le Conte du Graal, et que les habitants du château sont en fait sa famille. Et il y a une lettre avec qui dit que celui qui parviendra à ouvrir le coffre est en fait son meurtrier. Le château se retourne contre Perceval alors qu'il est désarmé. Et donc les fils du chevalier vermeil veulent se venger. Alors Perceval s'empare d'une hache et il attrape l'enfant de la dame du château et il le brandit comme bouclier et dit c'est tout le monde se calme. Alors l'enfant il prend l'enfant en otage pour se tirer de cette situation. Il s'en sert pour obtenir des armes. Genre il dit je vous rends l'enfant mais vous me donnez des armes, et un marché est conclu. S'il bat Léander et ses trois frères, donc pas en même temps mais coup par coup, ils libéreront tous les prisonniers. Je comprends pas pourquoi ils emprisonnent les gens d'ailleurs. Les gens qui n'ont pas réussi à ouvrir le chêne, ils les foutent juste en tôle. Mais donc tous les chevaliers, tous les boucliers sur les murs sont emprisonnés là. Il combat d'abord Léander et à la tombée de la nuit, il obtient une trêve où il peut se manger et se reposer parce qu'ils sont déjà bien amochés. Pendant la nuit, quatre parents de Léander, donc des cousins probablement, s'inquiètent et se disent si Perceval bat Léander demain, les autres n'auront plus la moindre chance et nous non plus. Et donc ils décident d'aller le tuer. Mais Perceval veille avec ses armes près de son lit et il se défend, et il est notamment aidé par un ménestrel parce qu'il doit dormir dans la même chambre qu'un ménestrel. Je sais pas pourquoi, Gerbert a un truc où il est très fan, il est très ménestrel stan, hein, là il défend les ménestrels, et là il y a ce ménestrel qui est une destinée vraiment héroïque, genre pendant le ménestrel aide Perceval à se réveiller, Perceval saute, met ses armes et ils se battent, et le ménestrel aide Perceval à combattre les quatre assaillants, il l'aide notamment à trancher le bras d'un assaillant, mais il meurt au combat, donc il a littéralement une mort héroïque. Je sais pas ce qu'il avait, il voulait montrer des ménestrels en train de se battre. Le bruit fait accourir la famille qui fait respecter la trêve et qui dit non, on avait un accord, vous pouvez pas faire ça. À l'aube, le ménestrel est enterré dans un beau cercueil et on loue son courage, donc c'est vraiment frappant comment il est juste exemplaire. Et après un mois de convalescence, Léander veut reprendre le combat, mais Perceval et l'épouse de Léander veulent la paix. Donc tout le monde le fait pression pour qu'il fasse la paix. Il veut pas, Perceval le combat. Il demande merci. Donc Perceval l'épargne. Les frères veulent quand même se battre. Mais ils finissent par accepter de ne pas venger leur père et Perceval peut libérer les prisonniers. Le chevalier vermeil est enterré. Gauvin veut se rendre à Montesclair, mais Léander lui dit que le chevalier au dragon a été tué et que la forteresse a déjà été libérée de son emprise. Et comme Perceval est poli, il dit pas « Ah, au fait, c'est moi qui ai fait ça déjà. » C'est assez drôle. Genre, il y a ce côté où Gauvin avait one job, une mission, et il n'a pas pu la faire parce qu'il était enfermé ici et puis que c'est Perceval qui a tout fait. Tout le monde va reprendre la route. À un carrefour, Perceval, Gauvin part quand même pour Montesclair, même si on lui a dit apparemment qu'il n'y avait plus de problème, peut-être qu'il veut s'en assurer. Et Perceval prend à droite une voie dont nul n'est jamais revenu. Donc de nouveau, on a un panneau qui dit Montesclair, et puis de l'autre côté, genre, tout le monde est mort en allant par là. Là, il y a un épisode, on va essayer de finir vite, un épisode de la Dame à la Tente qui reprend beaucoup ce qu'il y avait dans la première continuation avec la famille de Lys, qui est assez intéressant parce qu'on vous l'a dit, tout est très chaste dans ce moment, jusqu'à ce moment où là, on a Gauvin qui va basiquement, en fait, qui va violer une dame qui voulait le tuer à la base. Puis la dame, finalement, ça n'a pas l'air de plus la gêner que ça. Et puis, elle va finalement s'en amouracher de Gauvin et vouloir le garder comme partenaire amoureux, malgré le fait que toute sa famille veut le tuer. Dans la première continuation, la famille de Lys, on avait une première version où Gauvin couchait avec la dame, puis toute la famille voulait le buter, puis après ça crée une vengeance en multiples couches, mais Gauvin était très consentante et c'était une admiratrice de Gauvin. Et puis dans une autre version de l'histoire, Gauvin plus tard racontait l'histoire et il disait « Ah, en fait, je l'ai violée. Pourquoi ?» Puis on avait discuté pourquoi. Oui, mais c'était une histoire de discrépance entre ce qu'il disait et ce qu'est le narratif. Probablement que justement la famille veut déjà le buter, donc le fait de dire que c'est lui qui l'a violée, ça permet de faire que la fille ne soit pas blâmée puis que la famille ne se venge pas sur la fille. Donc c'est de dire « En fait, elle s'est juste fait violer par moi, donc c'est que moi le coupable. » Probablement. Là, par contre, il y a quelque chose qui est probablement une parodie des codes courtois. Donc la dame lui dit, tu peux être hébergé dans cette tente, mais où elle a des jeunes cousins qui dorment aussi, mais tu devras être contre moi qui suis toute nue toute la nuit, un peu chevalier à l'épée, tu sais, et tu dois résister toute la nuit, et si tu résistes, à l'aube, tu pourras avoir toutes mes faveurs, donc vraiment coucher avec moi. Donc c'est un motif assez courant de la poésie troubadouresque. Gauvin se met dans le lit la nuit venue, il fait le signe de croix, et en faisant le signe de croix, à droite, bim, il touche un truc pointu et il y a un couteau dans le lit. Et il trouve un couteau caché en faisant le signe de croix. Un signe de croix très enthousiaste. Et puis il touche le... Puis il se rend compte qu'elle veut le tuer. Parce qu'en fait, c'est la sœur d'un chevalier que Gauvin avait tué, puis elle voulait se venger. Lorsque la dame le joint au lit, elle ne peut pas le tuer parce qu'elle cherche le couteau dans le lit, mais elle ne le trouve pas. Gauvin, qui pense, je vous mets le passage où il dit assez explicitement qu'il la viole, Gauvin qui pense à son affaire, dessous lui à force le met, et du jeu faire s'entremet, qu'on fait aux dames qu'on aime, et celle de l'ante se clème, que pas défendre ne se peut, veuille ou non souffrir les estuettes, le jeu de Monseigneur Gauvin. Donc qu'elle veuille ou pas, elle doit souffrir le jeu d'amour de Monseigneur Gauvin. Donc il l'a... Bon, elle avait l'air assez enthousiaste pour tenter Gauvin à ce genre de jeu amoureux, mais aussi elle voulait le tuer. Donc la dame se lamente d'avoir échoué parce qu'elle est en train de se faire maintenir par Gauvin. Elle le menace en vain. Deux cousins débarquent. Gauvin en tue un avec le couteau et le second, très blessé, s'enfuit. La demoiselle fait la paix avec Gauvin. Elle lui promet la paix. Elle le soigne et puis Gauvin l'embrasse avec fougue. Donc là, ils ont une relation pas démarrée sur les meilleurs termes, mais apparemment, elle a quand même envie de Gauvin comme partenaire amoureux. Le cousin rencontre des frères de la dame qui apprennent qu'elle a déjà été déshonorée. Donc finalement, le viol, ça les intéresse pas tant que ça, mais voilà, elle a été déflorée, dépucelée, c'est pas bien. Et ils jurent de se venger. Quand ils la trouvent, elle leur jure que Gauvin l'épousera et qu'il servira 3 ans outre-mer pour s'amender contre son frère tué. Donc il y a l'idée qu'il s'exilera ou qu'il fera pénitence ou quelque chose pour s'amender pour le cousin qui l'a tué. Mais ils se jettent dans la bataille. Gauvin poignarde, plante le cœur du premier et l'autre s'enfuit. Il y a 20 chevaliers qui débarquent en renfort. Gauvin en tue quelques-uns, mais il doit quand même fuir dans la forêt. La demoiselle est ramenée chez elle à Lirouze Montaigne, mais elle se lamente de plus être avec Gauvin, donc apparemment elle est amoureuse de lui. De son côté, Gauvin arrive à une forteresse en hauteur où il cherche l'hospitalité. Il est accueilli, puis on lui fait « Tiens, un chevalier errant, tu pourrais nous raconter tes derniers exploits. » Mais comme sa dernière aventure est très peu flatteuse, Gauvin est conscient que ce qu'il a fait n'était pas bien. Genre, il comprend qu'il a violé une dame et puis il a commencé à tuer sa famille, c'est pas terrible. Il veut pas la raconter. Mais on insiste et puis il le fait. Et quand il le fait, le seigneur du lieu s'évanouit parce qu'en fait, c'est la famille de la demoiselle, c'est le château de la famille de la demoiselle. Des neveux. Il comprend qu'il a tué ses neveux et abusé de sa fille. Il dit notamment, tu as dépucelé ma fille. Genre, Gauvin dit, Gauvin utilise en fait, c'est assez marrant parce que, marrant, probablement que c'est le but. Gauvin utilise les métaphores courtoises, genre, j'ai fait le jeu de machin, nous avons été. Il utilise des euphémismes et puis le père dit, mais vous avez dépucelé ma fille. Et puis Gauvin est un peu décontenancé. Ce seigneur s'appelle Urpin, il se jette sur Gauvin, sabre au clair, genre, il dégaine son épée, ce qui est quand même une rupture d'hospitalité assez flagrante. Et c'est à ce moment-là que les survivants et sa fille arrivent. Et sa fille s'interpose, elle dit qu'elle en fera son prisonnier avant de le traîner par les cheveux dans sa chambre pour une nuit d'amour. Donc là, il y a aussi probablement une moquerie des codes courtois, justement, genre je suis le prisonnier de la dame, elle est ma maîtresse, etc. Donc là, elle dit je vais en faire un prisonnier, puis elle l'attrape par les cheveux, elle le traîne dans la chambre. À l'aube, Urpin veut venir tuer Gauvin avec une hache. Manessi a un truc pour les haches, d'ailleurs. La dame dit à Gauvin de simuler une prise d'otage, donc il prend moi en otage. Il adore les prises d'otage aussi, il adore les haches et les prises d'otage. La dame lui dit fais comme si tu me menaçais comme ça, et la femme d'Urpin s'interpose en plus et elle dit que si sa fille en meurt sous ça, elle va se suicider. Donc Urpin dit bon, tout le monde se calme, on va avoir un duel contre Gauvin, vous y attendiez, à la lance puis à l'épée, très violemment, jusqu'à ce qu'Urpin soit à terre et il refuse de demander grâce. Et quand sa fille, d'ailleurs sa fille s'appelle Boisine, elle arrive, Gauvin lui remet le blessé en gage d'amour. Et elle lui dit, ben, prends ton père et puis rentre. Et on les reverra plus du tout de la continuation. Donc toute cette aventure-là, est-ce que Gauvin va l'épouser ou pas? Est-ce que ça va être comme avec la famille de Lys où il a un enfant de cette union? Et puis voilà, on sait pas. Gauvin arrive à l'ermitage de la demoiselle du drap en verre. Donc elle traînait son amant mort qui était gravement brûlé par le chevalier au dragon. Et il apprend que Perceval a définitivement libéré le château de Montesclair. Donc il l'a déjà appris. Dans ces continuations, des fois, il y a des espèces de répétitions. On est là, c'est bon, on a déjà transmis cette information. Mais là, il est un peu dépité parce qu'il apprend que oui, Perceval a déjà libéré le château de Montesclair et que c'est vraiment plus la peine d'y aller. C'est assez intéressant parce que la première fois qu'on lui a dit que le chevalier dragon avait été tué, il y va quand même. Mais quand il apprend que Perceval l'a fait, ben maintenant il a appris qu'il n'était pas du tout le meilleur chevalier de cette continuation et puis il se dit bon, c'est même pas la peine. D'ailleurs, il croise la cour d'Arthur qui essayait d'aller à Montesclair aussi pour résoudre le problème. Et puis il croise Gauvin, puis Gauvin leur dit non, Perceval l'a déjà fait. Ah, donc tout le monde est soulagé et ils se disent ben, on peut aller à Lincoln pour voir le couronnement des hauts barons. On arrive aux dernières aventures de Perceval. Perceval fait pénitence chez un ermite qui est reclus depuis plus de 100 ans, donc il a commencé à être un ermite très tôt, ou bien il est très très très vieux, très numénoréen comme ça. Toutes les terres et les maisons sont détruites alentour, il sait pas vraiment pourquoi. Le lendemain après l'office, ils l'enjoint à se confesser, et celui qui le fait pas est comme renard qui vit de mensonges. Donc là on a de nouveau un petit peu de petite morale et d'intertextualité. Perceval se confesse et l'ermite lui donne de la viande, le recommandant à Dieu de manière assez triste. Perceval se balade, il entend deux cris effrayants. Mais qu'est-ce qui se passe ici? La terre est détruite, des cris effrayants. Et au pied du montagne, il trouve une dalle sous un arbre. Et une voix en émane et qui dit « Libère-moi, je suis emprisonné ici ». Il enlève sur la roche, il y a une espèce de broche apparemment. Et il l'enlève, puis il y a un ver qui sort dans un tonnerre de feu. et le ver se change en un monstre qui a une tête d'homme mais un corps de serpent, donc assez flippant comme ça, un petit peu John Ginito, mais qui dit être un ange déchu dont les terres sont dévastées et qui fut enfermé ici par Merlin pour qu'il ne détourne pas l'élu du Graal de sa destinée. Et puis pour ça, je dis, bon, tough luck, Elliot. Il lui dit qu'il ne peut pas continuer. En fait, et il lui dit, ah, d'ailleurs, tu ne peux pas continuer dans cette voie parce qu'il n'y a pas de nourriture dans cette terre dévastée. Personnel se méfie parce que si t'es censé arrêter le héros du Graal, pourquoi est-ce que je t'écouterais? Et il lui dit, d'ailleurs, comment, il y a un petit côté un petit peu chaboté où il fait, mais comment tu te remettrais dans la, comment tu aurais pu t'être enfermé dans la pierre? Est-ce que tu pourrais reprendre la forme de vermisseau? Puis il le fait, et puis Perceval le renferme derrière. Marquis de Perceval Abbas. Mais c'est très, le petit côté, justement, Perceval l'enferme à nouveau, donc un côté très conte folklorique. Une mention de Merlin, un ange déchu ou un démon à corps de serpent, donc c'est très, voilà, c'est Antoine, c'est évidemment gnostique, c'est, comment il s'appelle, Abraxas, non mais les gnostiques, ils ont justement un serpent. En fait, il s'appelle Persevax dans la moitié du manuscrit. Bah oui, le manuscrit, c'est absolument hilarant. Il s'appelle Perchevaux, Persevax, Pierre Cheval, c'est mon préféré. Pierre Cheval. Mais donc, voilà, les terres autour ont été effectivement détruites par le diable. Il combat un chevalier qui lui bloque le passage, il est malmené. Mais la grâce de Dieu fait que c'est son adversaire qui commence à chanceler et se fonder. Donc là, il y a vraiment une espèce d'idée de providence divine. Et avant qu'il lui porte le coup de grâce, Perceval entend une dame qu'il supplie d'épargner ce chevalier. Alors il s'arrête. Et le chevalier vaincu raconte que comment il a perdu la jeune femme qu'il aimait. Et ils voyageaient ensemble en plantant leur tente dans de jolis endroits. Ils faisaient du camping à de beaux endroits. Et une fois, il a combattu 20 chevaliers en 8 jours et il est parti après chasser un cerf. Et en son absence, il y a un homme qui survint et qui voulut abuser de son ami et qui la blessa mortellement. Et il a juste le temps de la retrouver et qu'elle lui raconte ça avant qu'elle meure. Il lui fit dresser un beau monument et il lui a juré alors de tuer tous ceux qui passeraient par là. Et le chevalier se lamente parce qu'il a été sauvé. Ben voilà, il se lamente de sa déchéance et dit « Ah, j'ai enfin été battu et j'ai été sauvé uniquement par son intervention. » Et il meurt aussi. Le lendemain, son corps a disparu et il y a une tombe ou un cercueil, enfin un mausolée qui est apparu à la place. Donc j'ai trouvé que cette scène était assez... assez aigre-douce, assez amer en fait, comme c'est-à-dire que ce motif du chevalier qui a promis à son ami de défendre un guet pour quelque chose, on le voit souvent, mais là, qui a fait une promesse à son ami qui est morte, abusée par un autre chevalier, qui s'est juré de tuer tous ceux qui passeraient par là sans raison, et qu'au moment où Perceval va le tuer, le fantôme de son ami intervient pour le sauver, il y a quand même quelque chose de très, je sais pas, on comprend que c'est un méchant pour lequel on est censé avoir un peu plus de compassion que la plupart. Que le reste, oui. Il a un petit côté très, c'est un peu l'effet Mr. Freeze dans la série Batman où ils lui ont fait une histoire absolument triste, mais maintenant son histoire est triste, alors qu'avant c'était juste un mec débile dans une armure de glace. Là ils ont pris un trope et ils ont rajouté un truc très... D'ailleurs à propos de glace, le prochain épisode. À propos de glace d'ailleurs. Effectivement, c'est même l'inverse. J'ai pas fait gaffe, mais mon subconscient il veillait. Il venge une femme qui s'appelle Dionyse qui a été jetée nue dans une fontaine glacée, gelée par son mari jaloux, car elle avait vanté les exploits de Perceval. Elle était là, Perceval, le sacré bonhomme, son mari était là, jeté dans une fontaine. Perceval décapite le mari et chevauche avec elle, et avant de s'endormir à cheval parce qu'il est crevé, et quand il croise un jeune homme à cheval, la dame dit que Perceval est un mauvais chevalier, le pire des hommes, et elle lui dit prends l'épée de ce chevalier parce qu'il a tué mon ami et il en veut à mon honneur. Puis techniquement c'est vrai, Perceval a tué son ami, mais il ne veut apparemment pas à son honneur. Perceval se réveille et dit oh, si vous êtes ingrate, vous allez chevaucher chez moi. Donc une espèce d'idée de la femme traîtresse qui veut nous lâcher puis nous tuer immédiatement, un petit peu justement de nouveau chevalier à l'épée. Oui, c'est ça, tout à fait. Il y a ce côté un peu... cette femme que je sauve, et puis elle est très triste. On pourrait, suivant comment le texte serait écrit... Puis vanter les exploits d'un chevalier au lieu de son mari, c'est aussi quelque chose qui arrive ailleurs dans les enthousiasmes, les stands d'un chevalier particulier. Mais aussi, Perceval décapite son mari, donc peut-être elle ne voulait pas spécialement que Perceval décapite son mari, donc peut-être qu'on peut voir son ressentiment comme ça aussi. Il y a une femme, de nouveau, maintenant on a plein de femmes traîtresses. Alors attention, là, si vous croyez que les femmes, c'est juste des victimes innocentes qui passent leur temps à se faire violer, non, parce qu'en fait, il se trouve que les accusations de viol sont toujours fausses, et c'est ce que Gerbert va nous faire maintenant. Une femme, Félix de la Blanclose, prétend avoir été pourchassée dans la forêt par des chevaliers, et en fait elle ment. Il y a 5 voleurs qui encerclent Perceval, ils les trucident, et puis ils pourchassent. Elle est appelée l'ennemi, ce qui sous-entend que c'est peut-être un démon, mais peut-être c'est juste une figure de style. Il la pourchasse dans une maison dont les murs sont noirs, où il tue un nain et d'autres voleurs, et là, extrêmement violent, elle se saisit d'une hache. J'ai dit que Gerbert avait un truc pour les haches. Elle se saisit d'une hache et il lui tranche les mains. Donc bah là, oui, les voleurs. Hein. C'est, oui, c'est, Perceval applique la charia comme il doit le faire. Il la prend par sa tresse et il la jette dans un bourbier. Donc il y a apparemment un tas de merde et il la jette dedans. Et ensuite, il fout le feu à la baraque. Donc vraiment, à une femme qui a prétendu qu'elle était violée, non, ça n'existe pas. Il est hébergé par des gens qu'il a accidentellement délivré de ses voleurs, donc ils disent « Ah bah c'est cool, vous avez buté ces 50 voleurs parce qu'ils nous pourrissaient la vie. » Il est hébergé par deux ermites, il combat contre Madieu, chevalier à la côte mal taillée, il l'envoie à la cour, il est hébergé par un type au cheval noir qui l'interroge sur son nom avant qu'il parle. J'ai pas compris cet épisode non plus. Là, il y a plein d'épisodes que je comprends pas. J'ai l'air d'accélérer parce que c'est la fin, mais c'est aussi que plein d'épisodes que je comprends pas. Il combat contre un géant qu'il reconnaît comme le meurtrier de son frère. Donc là, ça fait un petit peu penser à Geoffrey. Et il dit « Ah, oh, tu es celui qui perche les vals. Tu es celui qui perce les veaux. » Donc il se rappelle d'une espèce de rébus pour son nom. Et il tue le cheval de Perceval. Perceval le bat, le trucide et lui prend son cheval. Il est réjoui par le chant des oiseaux. D'ailleurs, là, on a clairement le motif qu'il y avait dans le début du conte du Graal. Le motif de la reverdie, ce fut autant qu'arbre fleurisse. Et les oiseaux chantent en leur latin. Matin. Là, il utilise tout la fiche. Ils chantent au matin, oui. Il réutilise la fiche. Je ne sais plus si ça rime avec matin, mais il dit les oiseaux chantent dans leur latin. Oui, c'est ce genre de ce truc. Il est accueilli par un vavasseur. Il n'y en avait pas eu tant que ça dans ce roman. Mais dans les continuations, il y a moins de vavasseurs que dans l'Iran chrétien. Il faut faire un peu de place pour des ménestrels, apparemment. Mais ce vavasseur lui offre un nouvel écu, un nouvel auberge et une nouvelle cotte en drap de Syrie. On suit Madieu à la côte maltaillée jusque chez Arthur, qui est apparemment à la cour d'un roi d'Irlande. Donc Arthur, il glande chez un roi d'Irlande. Et on s'étonne que Perceval envoie tant de monde en prison. Donc c'est encore plus marrant si on imagine les gens qui doivent aller à la cour d'Arthur, si on imagine que la cour d'Arthur n'arrête pas de bouger. C'est ouais. Encore plus drôle si on imagine des chevaliers qui courent dans tous les sens. Sur Benny Hill, on essaie de trouver où est Arthur pour se faire prisonnier. C'est pour ça que peut-être qu'Arthur les libère, parce que ce serait un peu pas très économique de travailler le fourgon à prisonnier. Ouais. Perceval, donc on s'étonne que Perceval envoie tout le monde. Lancelot promet d'aller le chercher. On n'aura pas le temps de le voir d'ailleurs, mais Perceval se bat à nouveau contre Queux et Golin Slichos, je sais pas trop qui c'est, mais il se bat contre eux et il supplie Dieu de le ramener au château du Graal, et il dort sous un arbre qui apparemment reste vert en hiver, donc un espèce de pin toujours vert malgré le fait que les autres aient perdu leurs feuilles. Et il voit le lendemain sur une croix une main en bois qui indique le chemin du château du Graal, et il y parvient enfin. Il est accueilli par le roi pêcheur qui est au lit dans sa chambre. Il dit « Je voudrais voir le Graal », et il raconte ses aventures allégoriques. Le roi pêcheur promet de répondre à toutes ces questions dès que le repas est fini, et survient le cortège du Graal. Perceval ressoude enfin l'épée parfaitement, et on raccorde avec le texte de Manessier là où on a commencé, c'est-à-dire à la fin de la deuxième continuation. Et je traduis grossièrement, et Perceval, grande joie en fait, hors n'apaisance ni de sait, a en grande joie en son cœur que je ne pourrais à nul fouer dire la joie qu'il en a, pour un peu qu'il ne chanta. Donc Perceval est tellement joyeux qu'il pourrait chanter, donc ça c'est la fin de Gerbert, et ça enchaîne sur la fin de la deuxième continuation. Le roi le voit, si en a joie, ses deux bras au cou lui envoie, comme courtois et bien appris, et lui dit « Baudouami, sire, soyez de ma maison, je vous mets tout à abandon », donc il lui donne tous ses biens, « quand que jouet est sans danger, et des ors vous aurez plus cher que nul autre qui jamais soit ». Donc il l'accueille dans sa maison, il dit « vous êtes plus cher que jamais je ne serai ». Attends revint à ses exploits que l'épée avait apporté, si la prise est réenveloppée, et un sandal s'il le reporte, et Perceval se réconforte. Donc, et Perceval se réconforte, il reprend courage. Très bien. Là, il a vraiment restauré l'épée dans cette version-là. Et puis, ça enchaîne avec Manessier, où effectivement, il va répondre à toutes ces questions. Donc, peut-être que Gerbert de Montreuil, c'est un type qui s'est dit « Eh oh, minute, mon petit bonhomme, je sais très bien que le roi pêcheur ne doit pas encore répondre aux questions de Perceval. » Il est assez fidèle à l'esprit de la deuxième continuation. Il se rend compte que Perceval a échoué et qu'il doit subir d'autres épreuves avant. Et donc, il s'est dit « Ben, je vais insérer d'autres épreuves. » Je pense qu'il y a un peu trop d'incohérence avec le reste de la oui. Troisième continuation pour affirmer avec certitude qu'il a voulu la connaît, faire ça, mais effectivement il y a beaucoup en termes d'état d'esprit il est beaucoup plus proche de la deuxième continuation que Manessier l'est, ça c'est assez clair. L'esprit est beaucoup plus proche, et d'ailleurs les insertions du Père Lesvos et même de la quest sont assez marquées. Il y a ce côté un peu, ce goût pour la littérature un peu plus ésotérique, un peu plus religieuse dans l'esprit, alors que chez Manessier c'est moins présent quand même. Oui, Lancelot Graal est un peu moins présent, je trouve. On a beaucoup d'épisodes marrants. Le Tristan Ménestrel, c'est quand même assez particulier. Il a été beaucoup plus édité, justement, parce que dans le cadre de la légende de Tristan, beaucoup de gens sont intéressés à cette partie-là. Et puis, comme il n'y avait pas d'édition avant longtemps, les gens l'éditaient à part parce qu'ils voulaient en parler. Il y a beaucoup de choses très fortes, je trouve, dans cette continuation. Beaucoup d'épisodes que j'aime beaucoup, les morts qui reviennent chaque jour et qui sont ressuscités par un onguent miraculeux, le chevalier au dragon qu'on a aussi dans le Père Lesvos, beaucoup d'aventures où c'est vrai que je vois pas où ça va, genre, et c'est vrai que quand on regarde le début et la fin, il y a des passages qui sont un peu incohérents. Donc on vous a dit, Perceval voit que la terre autour de lui était dévastée la veille, mais on sait pas à quoi ça fait référence, parce que quand on lit la deuxième continuation, il passe pas vraiment par un endroit la veille qui aurait été dévastée. Quand on lit la fin de la deuxième continuation, c'est pas très cohérent. Donc est-ce qu'il manque un début à Gerbert de Montreuil? La fin, pareil, il lance plein de choses, on rencontre plein de gens. Il y a un type avec un cheval noir qui l'héberge, qui lui demande ses aventures. J'ai pas compris ce que c'était le but là derrière. Et Lancelot qui dit qu'il va aller le chercher. Enfin, il y a plein de fils qui sont restés pendants. Mais ça reste quand même une continuation que je trouve très intéressante. Je dirais juste une chose, c'est que Manessier disait que justement, il concluait par... par la manière dont tant d'autres concluaient l'histoire de Perceval en disant que celui qui a accompli, voilà Perceval qui acheva les aventures du Saint Graal, puis c'est la fin de l'histoire, il a achevé les aventures du Saint Graal. Mais je dirais en fait, ce qui est vraiment significatif pour moi de cette littérature, c'est ce que a fait Gerbert en concluant sur « Et Perceval se réconforte, et Perceval reprend courage ». Parce que c'est ça que j'ai trouvé vraiment fort avec la fin de la deuxième continuation, c'est que « Ah, Perceval à peu près réconcilié l'épée, mais il n'a pas réussi. Il est plus proche de sa quête, mais il n'a pas encore complètement fini. Et il reprend courage, mais la quête continue. » Et puis pour moi, c'est ça vraiment la marque des continuations, en fait. C'est l'idée de... Ouais, Perceval... L'idée de Perceval qui ne perd pas courage malgré le fait qu'il a une quête qui est extrêmement difficile et ingrate. Et c'est quelque chose qu'on trouve... C'est quelque chose qui a beaucoup transpiré dans la façon dont on représente la quête du Graal. Hein. La quête du Graal, c'est ce truc impossible que personne n'arrive. Mais quand vous lisez le Lance au Graal, c'est pas ça. La quête du Saint Graal, tous les trois pas, il y a une allégorie qui vous dit que vous êtes sur la bonne voie et que vous êtes l'élu de Dieu. Hein. Il y a pas de problème. Il y en a 30 qui meurent. Mais quand vous êtes l'élu, ça va. Tandis que là, on a le sens que même pour l'élu, c'est quelque chose de très difficile. Il y a ce parcours de... qui est facilité par la grande quantité d'insertions, d'aventures. Qui est une marque des continuations particulièrement notable. Faut se rappeler aussi que c'est un genre de récit qui est très épisodique parce qu'il est voué à être raconté épisodiquement. Il n'a pas forcément vocation à être lu d'un coup ou d'avoir comme on le fait nous. Donc cette répétitivité, ces cas de répétition, c'est peut-être ce qui marchait hein, ouais. aussi pour le grand public. Donc il y a ce côté un peu là comme ça qui est un peu fourre-tout quelque part, qu'on retrouve peut-être moins dans les... Ironiquement, les récits en prose comme La Queste, font moins fourre-tout parce qu'il peut avoir un symbolisme plus peut-être plus cohérent et plus ordonné, même s'il y aura beaucoup d'insertions. Là, ça fait un peu plus désordonné quand même. Oui, là, il y a beaucoup plus d'épisodes où effectivement... Je trouve que Gerbert est beaucoup plus honnête parce que, contrairement à Manessier, où vous dites on lance la quête du Graal au début, après on vous met des trucs qui n'ont rien à voir, et puis après on conclut la quête du Graal, Gerbert, il est assez honnête sur le fait qu'il n'y a pas grand-chose à voir. Il y a la scène du début où Perceval, on l'a peut-être pas dit, mais l'endroit où il n'a pas pu entrer, en fait, on nous dit que c'est le paradis terrestre, en fait, et que c'est pour ça qu'on ne l'a pas laissé entrer. Après ça, il est maudit et sa quête est prolongée de 7 ans. Mais c'est une espèce de version, on a dit Perceval Revolutions, mais c'est vrai qu'on aurait pu l'appeler aussi Perceval Reloaded, parce que là, il y a vraiment l'idée de bon, ben, on prend les mêmes et on recommence, quoi. Et les rapports que tous ces textes entretiennent entre eux, vous avez vu que c'est pas très clair. Qui est le premier, qui pique à qui? Est-ce qu'il y a des sources communes? Est-ce qu'il n'y a pas de sources communes? Est-ce qu'on emprunte vraiment? Ou est-ce qu'il y avait une version primitive qui ressemblait pas à ça? Et évidemment, quand la datation est dans un mouchoir de poche entre les années 1220-1230, ça devient assez compliqué de savoir... D'autant qu'il n'y a aucune référence de l'un à l'autre. C'est pas comme si l'autre, je vais continuer ce que Manessier avait fait ou je vais continuer ce que Gerbert avait fait. Il n'y a pas vraiment de notion là-dedans. Un dernier truc, c'est que les gens qui ont inséré, c'est pas forcément Gerbert, mais ceux qui ont inséré Manessier, enfin Gerbert avant Manessier, c'est aussi des gens qui essayaient de constituer un cycle cohérent. Et on n'est pas complètement sûr de dans quelle mesure ils ont pu altérer ça. Donc parfois, c'est évidemment en disant par exemple justement « Oh, Perceval va voir Trébuchet. Ah non, merde, Trébuchet est mort chez Gerbert. Bon, bah, il va voir le fils de Trébuchet. » Ce qui est stupide parce que la quête est plus... À la base, c'était Trébuchet, c'est le seul qui peut réparer l'épée. Et c'est le seul, et il va mourir juste après parce que c'est le seul. Enfin, c'est vraiment significatif. Puis là, on vous dit « Non, en fait, il y a son fils qui peut réparer l'épée que tu viens de répéter. C'est pas de problème. » Oui, c'est ça, il y a ce côté un peu bizarre de je sais pas lié si... à la mise en place des textes. Est-ce que le fils meurt aussi immédiatement après? Alors, j'ai pas lu, moi, cette version-là, mais... C'est vrai que j'ai pas regardé, parce que ça a été corrigé forcément dans les éditions, vu que c'est dans l'édition de Manessier, ça a été corrigé. Mais ce serait drôle que le fils remeure immédiatement, que Perceval continue à péter son épée et à venir décimer une génération après l'autre de cette famille de forgerons. Il y a ce côté un peu... Franchement, la répétition, les motifs qui reviennent entre Manessier et Jabba sont quand même assez présents. Il y a des événements qui sont repris quasiment texto dans les deux, quoi. Donc, il y a cette succession, cette itération qui fait que finalement, ils avaient peut-être au fond les mêmes idées et les mêmes intérêts sur certains points qui les poussent à mettre cette espèce de micmac bizarre. C'est marrant parce qu'à quel point ils occupent les deux un terrain très similaire alors que la première et la deuxième continuation étaient vraiment des embranchements totalement différents, quoi. Non, et puis aussi, une chose qu'on n'a peut-être pas souligné, c'est qu'ils essayent aussi de... Justement, la première continuation, c'était beaucoup d'aventures de Gauvin. La deuxième continuation, c'était beaucoup des aventures de Perceval. Ces deux continuations essayent de conclure les deux. Genre, on donne des aventures à Perceval. L'aventure de Gauvin avec Silimac, on veut la conclure. Parce qu'elle avait un lien vague avec le Graal, donc il faut peut-être qu'on explique ce qu'il en était. Pas de manière très satisfaisante. Finalement, c'était que. Ok, bam. C'est clair que tous les gens qui ont mis la main à ça avaient des idées très différentes sur qu'est-ce que l'épée brisée, le Graal, la lance, le roi pêcheur, qu'est-ce que c'est le sens de l'histoire. Mais ils essayaient de nous donner leur version, et puis c'était une manière particulière qui va cesser d'exister après ça. C'est une tentative de sauver cette forme de roman à la Chrétien, alors que la prose est en train de tout bouffer, quoi. Bon, c'est aussi intéressant, comme tu l'as dit, hein, c'est des œuvres beaucoup plus tardives, et vu qu'on n'a pas d'autres attestations que les œuvres, surtout pour Gerbert, qui n'existe qu'indépendamment, qui n'existe pas indépendamment de Manessier, très difficile de savoir effectivement à quoi ça ressemble à la base. Donc, difficile de faire des conjectures, mais ça reste une lecture assez fascinante pour ces interactions avec d'autres textes arthuriens, peut-être encore plus que Manessier, je trouve. Mm. Notamment les allusions au Père Lesvos qui sont du Père Lesvos qui sont fantastiques. C'est vrai. Pour conclure, je vous recommanderais juste un peu pour aller plus loin. Nous avons notre script où on a fait un résumé. Des fois, on abandonne le script un peu au milieu parce qu'on est un peu pris par nos lectures et le reste de notre vie. Et donc, le document est un peu maigre. Là, j'ai essayé de faire un résumé assez complet des deux. Donc, si vous voulez juste lire de quoi il retourne, méfiez-vous des résumés toujours parce que même quand un résumé est fiable, ça peut vous donner une très mauvaise impression de ce qui se passe vraiment. Mais si vous le voulez, vous l'avez dans le document annexe en lien. Dans la description et compagnie. Je vous conseille aussi le livre de Mathilda Tomarin Bruckner, Chrétien Continued, si vous lisez l'anglais. C'est une collection d'essais sur Chrétien de Troyes, les continuations, qu'est-ce qui change. On n'a pas pu vraiment entrer en détail là-dedans, mais justement, beaucoup de changements d'une continuation à l'autre. Puis elle s'intéresse à ce genre de motifs, genre justement la scène de Gauvin qui viole une dame, elle a un chapitre là-dessus qui est assez intéressant. Et je conseille aussi un article de Hélène Bouget, qui est assez lyrique, c'est un de ces articles qui est très intertextualité, en fait, ceci est une métaphore pour ça, puis c'est pas très convaincant, mais un bon article sur l'épée brisée, métaphore et clé de l'énigme dans les continuations de Perceval, où elle parle justement de ce motif de l'épée brisée, quel rapport avec l'épée de Perceval qui va se briser, quel rapport dans les différentes... Et c'est un article que vous pouvez lire en ligne, et je vous le conseille parce qu'il souligne un petit peu justement le sac de nœuds des continuations, en fait, qui peut être assez intéressant. Voilà, ben on arrivait finalement à mettre un terme à ce sac de nœuds, en tout cas de notre côté. Oui, on aurait pu faire deux épisodes, mais bon, après, c'est peut-être... Ils se lisent en relation quand même, c'est intéressant de les voir en relation. C'est intéressant de les avoir dos à dos. Surtout pour Gerbert, d'ailleurs, ouais. qui est difficile, dont il est difficile de comprendre l'histoire sans comprendre celle de Manessier. Déjà que c'est difficile de le lire, donc. Déjà ça aussi. Tout ça pour vous dire, merci de nous avoir écoutés encore une fois. Hein. N'oubliez pas d'écouter nos anciens épisodes. On a parlé de Geoffrey la fois passée, on a notre épisode spécial sur Excalibur de John Boorman en public à l'école multimédia à Paris de début février. On vous retrouve dans un mois pour vous parler de quoi on parle le mois prochain. Normalement du Bel Inconnu de Renaud de Bourgeux. Alors ça sera peut-être un peu plus court que les continuations de Perceval. Peut-être. Et le Bel Inconnu, on va entrer dans un nouveau territoire puisqu'on va s'intéresser à la descendance de Gauvin. Qu'on avait déjà un petit peu vu dans d'autres continuations. On avait déjà dans d'autres continuations, mais c'est la première fois. On arrive vers c'est quelque chose qui n'existe pour l'instant qu'avec Galad. C'est vraiment la nouvelle génération de chevaliers arthuriens. Into the Perceverse. Into the Perceverse. Sur ce, eh bien, à la prochaine fois. Et n'oubliez pas, la quête continue.